Vous écoutez Vivacité, il est 14h. Le journal est présenté par Catherine Tonero. Bonjour à tous. Des radars débridés à 150 km/h sur les autoroutes wallonnes. Ceci serait volontairement réglé pour flasher au-dessus de la vitesse maximale légale. Objectif, désengorger les parquets qui voient affluer les PV. Un seuil qui grimperait à plus de 170 km/h dans certains cas, selon le patron de la principale société fournissant les radars fixes en Wallonie. Michel Nizen qui doute que l'on atteigne ainsi l'objectif de diminution de moitié du nombre de tués sur nos routes d'ici 2020. Un courrier a été adressé en ce sens au procureur du pays. Certains magistrats s'étonnent, des consignes ont été données en ce sens, indique le procureur général de Liège, mais jamais dans de pareilles proportions. L'ultimatum des cheminots rejeté par le gouvernement. Les syndicats avaient demandé la nomination d'un démineur pour régler le conflit qui les oppose à la direction de la SNCB. Réunis en Cairn ce matin, le gouvernement a demandé que leur préavis de grève soit préalablement levé. Préavis lancé pour 5 journées au cours du mois de janvier. La grève se poursuit à la prison de Mons, c'est ce qu'ont décidé les agents lors d'une assemblée générale ce matin. Le personnel n'est pas satisfait du protocole d'accord signé hier entre le ministre de la Justice et les représentants syndicaux. En revanche, le travail a repris à Andenne et à Saint-Gilles. Des assemblées auront lieu dans les autres prisons cet après-midi. Plus d'un million de migrants sont arrivés en Europe cette année, chiffre du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et de l'Organisation internationale pour les migrations. Ces migrants sont arrivés par mer ou terre dans 6 pays situés aux frontières extérieures de l'Union. La grande majorité en Grèce, suivie de la Bulgarie, l'Italie, l'Espagne, Malte et Chypre. La moitié des arrivants sont des Syriens fuyant la guerre dans leur pays. Et on apprend encore aujourd'hui la mort de 11 migrants, dont 3 enfants. Ils ont perdu la vie noyés dans le naufrage de leur bateau qui se dirigeait vers les îles grecques. 7 personnes ont pu être sauvées par les gardes-côtes turcs. La météo pour terminer avec encore beaucoup de douceur pour la saison. Les maxima atteindront jusqu'à 15 degrés ce mardi. Le temps restera sec mais nuageux. Les précipitations reviendront depuis l'ouest la nuit prochaine. Fin de ce flash. Et depuis le cube de Viva for Life, on retrouve Cyril. Et on fait un point RTBF Mobile Info, c'est Caroline Gillet qui est là. Bonjour Caroline. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Eh bien, on a toujours cet accident signalé sur le ring 1 d'Anvers à Borgerhout. Il neutralise 2 voies de circulation. Il y a donc des files en direction de Gand dans lesquelles vous perdez 25 minutes et des répercussions aussi sur le 313 venant de Liège. Des files à partir de Reims, donc en direction d'Anvers. La perte de mazout qui était... Les escargots, on les préfère dans l'assiette que sur la route. Ça tombe bien, ils sont au meilleur prix chez Intermarché. Caroline, je vous ai coupé, désolé, vous n'aviez pas terminé. Quel bougeat celui-là, non mais je te jure. Je suis pressé de faire l'appel au don, je suis désolé. Hein. Mais j'en ferai aussi si vous voulez, comme ça je me rattraperai. Allez-y. Donc la perte de mazout dans l'échangeur de bâtis, c'est bien une bonne nouvelle quand même, la chaussée est dégagée, nettoyée. Plus de soucis donc dans la bretelle qui relie le 42 venant de Bâtisse à le 40 vers Aix-la-Chapelle. Chaussée dégagée aussi sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur d'Allers où il y avait un accident. Plus de problèmes en direction de l'Allemagne, mais tout de même encore quelques petits ralentissements. Et puis accident sur la nationale 50. Mons-Valenciennes à hauteur de Boussu. Le passage est difficile en direction de la France. Et bien sûr, donnez à Viva for Life. Les escargots, on les préfère dans l'assiette que sur la route. Ça tombe bien, ils sont au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. CoraWine.be, ce sont tous les vins de Cora livrés chez vous. Excellente nouvelle pour les connaisseurs. Un choix comme ça, c'est sur CoraWine.be. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Viva for Life. Viva for Life. De 14h à 18h avec Cyril. C'est parti, un nouvel heure de Via for Life avec vos dons. On compte sur vous, on vous attend au call center. Enalo Agosli, toute l'équipe est là et prête à décrocher le téléphone. Et pour ça, ben maintenant, il va falloir appeler 0800 30 007 pour choisir la musique. Peut-être que vous avez envie d'écouter ça. Trop peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah, ce serait bien ça, des petites chansons de Disney. Allez-y, si vous en avez d'autres, celle-là ou d'autres, hein, faites-vous plaisir. 0830 007. Enrico Macias, c'est peut-être aussi un de vos choix. Très beau message d'Enrico Macias. Allez-y, donnez, donnez, donnez. 0830 007, il y a 80 000 enfants qui comptent sur vous à Bruxelles et en Wallonie. Ils vivent dans la pauvreté, c'est pas normal, faut que ça change, donc on compte sur vous. Un hommage aux enfants peut-être avec Children de Twaez, 0830 007. Et puis on est heureux de tout ce que vous faites, de toute la mobilisation autour de Via for Life. Continuez comme ça, vous êtes au top, mais on va faire mieux que l'année dernière. On compte sur vous, il faut dépasser les 2 100 000 euros et vous pouvez le faire. 0830 007, on vous attend au call center. Vous pouvez faire vos dons aussi sur le virement bancaire BE35 8x0 37 37 ou alors par SMS 4001. Vous tapez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous avez envie de donner. Et on va parler de montant tout de suite en se dirigeant à la boîte aux lettres de ce cube sur la place de la Digue à Charleroi. Bonjour madame, comment vous appelez ? Lise. Lise, et vous avez un chèque entre les mains ? Oui, en fait, l'Athénée Royale de Comines a participé à la course du souvenir le 11 novembre à Ploegsteert. D'accord. Et donc les élèves se sont fait parrainer et l'Athénée Royale de Comines est heureuse de remettre ce chèque de 500 euros. Waouh, 500 euros qu'on ajoute. Merci madame, merci à tous les élèves de l'Athénée de Comines. Et en plus, il y a des dessins, c'est ça ? Vous avez apporté quoi ? Non, en fait, l'Amicale des parents est heureuse de vous offrir à chacun de vous trois le calendrier de l'école afin de pouvoir déjà cocher les dates pour l'année prochaine. Eh bien, c'est gentil, merci beaucoup. On vous fait des bisous, Lise. À bientôt. La musique a du cœur, on la partage ensemble. On compte sur vous pour ça. N'hésitez pas, dépêchez-vous d'appeler. Quand je dis dépêchez-vous, c'est que dans 29 heures, c'est terminé. Donc, ça paraît long, mais ça va vite filer. Donc, 0830 007, allez-y. On écoute une chanson demandée par Vincent de Thieulin. Il a donné 120 euros, Vincent. Merci, Vincent. C'est Vaya con Dios. Viva for life. Came in a silk sarong. She waltzed across. Maya Candios. Si vous avez envie de réécouter ce morceau ou d'en écouter d'autres, on compte sur vous. 0830 007, la musique a du cœur, on la partage ensemble. Et alors, il y a énormément de défis Viva for Life qui se réalisent partout en Wallonie et à Bruxelles. On va retrouver Jean-Marc de Serre. Vous êtes à Kids Adventure. Oui, absolument. Bonjour Cyril. Bonjour. Je suis à Brest-le-Comte ici avec François Roland, qui est un des membres de l'ASBL Kids Activity. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Alors expliquez-nous, c'est quoi votre ASBL ? De l'ASBL est dans le but de créer des parcs de jeux pour les enfants, de leur donner des activités et de reverser toujours un montant à une association. Et donc cette année, plus particulièrement, on a choisi Viva for Life parce que c'est quelque chose qui nous touchait particulièrement à cœur. Donc ici, Hall des Sports de Braine-le-Comte, il y a cette activité, un Kids Aventure. Décrivez-nous un peu ce qu'on voit autour de nous. Pardon. Décrivez-nous un peu ce qu'on voit autour de nous. Il y a beaucoup de bruit. Hein. Les enfants crient beaucoup, ils sont très nombreux, donc ça fonctionne super bien. Donc décrivez-nous ce qu'on voit ici. Alors il y a plus d'une quinzaine, voire vingtaine de structures gonflables, donc avec un espace de 6 à 14 ans, où il y a des toboggans géants, des parcours géants, des kickers géants, des tirs élastiques, des parcours d'obstacles, des nuages. Il y a possibilité de faire de l'escalade aussi. Et alors il y a un plus petit espace réservé pour les 1 à 5 ans, où il y a aussi plus d'une 4-5 châteaux gonflables avec tous des petits modules et des structures où ils peuvent s'amuser. Quoi. Alors le côté pratique, ça se passe jusqu'à quand exactement et de quelle heure à quelle heure ? Alors ça se passe jusqu'au 27 décembre, de 10h à 18h30 on est ouvert. Le 25 on sera fermé parce que tout le monde va réveillonner je pense. Et voilà, sinon on est ouvert tous les jours, venez nombreux parce que sur chaque entrée on reversera un montant bien défini déjà au préalable pour l'association Viva for Life. Donc voilà, venez, on vous attend nombreux ici à Braine-le-Comte au parc du Champ de la Lune. L'entrée est fixée à combien ? L'entrée est fixée à 7 euros. D'accord, donc une partie de ce montant est reversée à l'opération Viva for Life. Moi je vous laisse Cyril, je vais aller jouer un petit peu si vous voulez bien. Eh ben allez-y, jouez, attention, hein. Ne vous blessez pas Jean-Marc, on a encore besoin de vous. D'accord, c'est promis. À tout à l'heure Jean-Marc. Vous choisissez la musique 0830 007. Vous pouvez à chaque fois mettre un petit message. Et par exemple, Isabelle de Bouffio, elle a choisi d'écouter Il en faut peu pour être heureux. Pas facile à dire, il y a un moment on a du mal à parler. C'est sur le livre de la jungle. Je vous le proposais il y a quelques minutes. Elle a été réactive Isabelle. Elle nous met en message pour rappeler à certains que même si le bonheur ne vient pas de l'argent, il en faut peu pour vivre dans la... Et alors, elle dit quoi ? Il en faut pour ne pas vivre dans la misère. Alors à tous ces gens qui ont beaucoup plus qu'il ne faut pour être heureux, aider les autres à le devenir un peu plus. Merci. Très beau message de Isabelle et ses 10 euros qui rentrent dans la cagnotte Viva for Life. Pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui. Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux ? Pour être heureux. Thank you. Dieu, ce que c'est bon de vivre. Essaie et détends-toi. Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Décidément, j'arrive pas à le dire, ce titre. Et c'est vrai que même un petit don, ça nous fait plaisir. Les gros dons, ça nous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à le faire. 0830 007. Vous appelez le call center Enalo et toute l'équipe est là pour récolter les informations histoire de faire le plus beau don possible. Vous choisissez la musique, vous mettez un petit message et puis on vous passe tout ça dans quelques minutes. Une autre possibilité pour faire des dons, c'est de venir ici sur la place de la Digue à Charleroi, à la boîte aux lettres avec une équipe qui est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous représentez quelle association? Alors on représente le relais social de Charleroi, donc c'est un réseau de services publics et associatifs qui sont actifs dans l'aide aux personnes en situation de précarité sociale aiguë. D'accord. Donc il s'agit des personnes sans abri, des personnes en lien avec la prostitution et aussi des personnes toxicomanes. Et donc pour nous c'était très important de participer à cet événement et on a organisé dans ce cadre une randonnée au cœur des terris de Charleroi, symbole de la ville. Évidemment, qui entoure la ville de Charleroi. Exactement, et donc on a eu plus ou moins 130 participants, donc aussi bien des travailleurs sociaux, des citoyens de Charleroi et d'ailleurs, mais aussi ouais, des usagers. Et ça s'est plutôt bien passé. L'ambiance était bonne pour une première édition et on a surtout récolté 600 euros. Ah oui, 600 voilà, euros. Bah, ça, c'est énorme. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super que des associations se mobilisent aussi, parce que l'idée du Via for Life, c'est de soutenir des associations tout au long de l'année. Et puis, c'est beau de voir cette entraide entre associations, tout le monde qui se tient la main. Et ensemble, on va arriver à faire quelque chose de bien en découvrant le montant. Hein, demain soir, à la sortie de ce cube avec Zazie qui sera là. Et puis, le boulot commencera, puisque tout au long de l'année, bah, c'est des associations qui vont se battre et aider toutes les familles qui en ont besoin, tous les enfants entre 0 et 6 ans qui vivent dans la pauvreté. Merci beaucoup pour Merci. Ce chèque. Bon après-midi à vous. Également. À bientôt. Ouais. Dans un instant, la suite de la musique. Philippe Delacun nous a demandé d'écouter Chacun fait ce qui lui plaît de Chagrin d'amour en souvenir d'un ami qui aimait beaucoup cette chanson mais qui est malheureusement décédé lors d'un accident à cette époque. C'est pour vous, Philippe, hommage à votre ami juste après la pause. Viva for Life avec nos partenaires. On aime tous prendre soin de ceux qu'on aime. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Gaz, électricité, solidarité. Ores soutient Viva for Life. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, vestes, pantalons, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chéné, quai des Ardennes, 1200 m² dédiés au sport. Intersportliège.be. Je suis super pressée, toujours pas coiffée pour ce soir. Va chez Olivier Dashkin, ils ont un tout nouveau styling bar et c'est sans rendez-vous. Ils te font des tresses, boucles, chignons en moins de 20 minutes et pour 20 euros seulement. Hein? Mon secret pour être bien coiffée, c'est Olivier Dashkin évidemment. Écoutez, Eurocenter devient Kitchen Market. Et maintenant, un cadeau pour toi ma chérie. La cuisine pour les nuls? Super, joyeux Noël. Parce qu'on a tous envie de bien cuisiner, aujourd'hui, il y a Kitchen Market. Petits et gros électroménagers, cuisine équipée, ustensiles Alice Délice et cours de cuisine. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Envie de faire votre shopping cadeau tranquillement chez vous? Rendez-vous sur kitchenmarket.be, surfez, cliquez, c'est livré. En ce moment, à l'achat d'un véhicule neuf Volkswagen, Volkswagen utilitaire, Audi, Seat ou Skoda, vous bénéficiez de 2 ans de maintenance gratuite. Oui, oui, vous entendez bien. Pour fêter la fin de l'année, nous vous offrons 24 mensualités à la signature d'un contrat de maintenance WeCare de minimum 3 ans. Infos et conditions chez votre distributeur ou sur WeCare.be. Viva for life. Avec pour aider, Cyril. Ben oui, je suis là jusqu'à 18h. Tout à l'heure, c'est Sébastien qui prendra le relais. Pour aider Via for life, pour faire vos dons, il y a une manière plutôt sympa. Si vous avez envie de refaire peut-être un peu votre intérieur à la maison, il y a des objets à acheter aux enchères. Alors par exemple, aujourd'hui, vous avez le maillot dédicacé de Jean-Michel Sève, notre grand pongiste, qui sera d'ailleurs tout à l'heure sur la place de la Digue. C'est dès 16h qu'il sera là. Donc si vous voulez le maillot dédicacé pour vous à la maison, deuxièmemain.be, vivaforlife.be, il faut enchérir. Il y a des sticks de hockey aussi dédicacés par Tom et Jill Bone. C'est les deux étoiles de hockey belges, hein, qui se mobilisent pour Via for Life. Ben, faites comme eux, rendez-vous sur le site internet pour les enchères. Et puis il y a notre sapin garni de boules de Noël. Alors ce sapin, il est très beau, il est très design, c'est très 2015, hein, comme sapin. Et surtout, il contient des magnifiques boules, des boules avec des tickets à gratter de la loterie nationale. Il y a au total 1200 billets, donc ça va vous prendre du temps. Prenez peut-être une semaine de vacances, hein, pour pouvoir les gratter. Vous allez pouvoir peut-être gagner jusqu'à 500 000 euros qui sont dans ce sapin. Il est très beau, si vous nous suivez en ce moment sur Télésambre ou sur le Live Center, vous êtes en train de le voir. Je suis sûr qu'il ira très bien chez vous. Et puis si en plus vous gagnez les 500 000 euros, bah c'est plutôt sympa en ces périodes de fête. N'hésitez pas à enchérir. Si vous ne le faites pas, vous ne l'aurez pas, ça c'est sûr. Deuxièmemain.be ou alors vivaforlife.be. On compte sur vous. Pendant que vous allez vite enchérir, on écoute Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît sur Vivacité. Du match, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Claque, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Précipice est au bout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. Toutes les étoiles qui brillent. Quelles ont à me dire les étoiles? 6 heures du mat, faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Brûle un feu rouge, police patrouille, je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge, car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar, je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fille. Elle dit champagne, je l'accompagne, elle dit 50, je dis ça me tente. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Que de pression dans les bars. Personne te pousse à boire. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Légende, c'est manie. Décalcomanie. 7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les bas nylon qui filent sur les tendons. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa peau lisse, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bleu cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Mon Dieu, je peux même pas jouir. Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tapent, le petit ronron. Les éminents, tes petits bateaux. Là je pleure, je me sens pas belle. Mes bigoudis sont plus en plis. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur. Madame Pipi a des ennuis. Mais ce papa se fait du tracas. Dans les logis, les maladies. Bébé fait lui s'abouillir. 8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le son. Sors sur le lit de mes mettre un bleu foncé. Son pain soumis, son nez cassé. Perdre la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Espèce de Kleenex et de bouteille vide. Je suis toute seule, toute seule, toute seule. Pas dans Boulogne, c'est désespère. Je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre, entendre le soleil nous. Je coupe la main, ramassant les morceaux. Chagrin d'amour, ça vous rappelle certainement des souvenirs. Vous avez peut-être tapoté un peu du pied, vous avez peut-être chanté. Et au même moment, pendant qu'on s'amuse aussi beaucoup dans ce cube de Via for Life, il y a des familles qui sont dans la difficulté et qui comptent sur vous. C'est des familles qui ne peuvent pas manger les repas nécessaires tous les jours. Des enfants qui n'ont pas des repas équilibrés. Alors ça peut paraître stupide, mais c'est hyper important pour la construction d'un enfant. Vous imaginez entre 0 et 6 ans, des enfants qui parfois ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas participer à des activités si bêtement il y a un cinéma qui est organisé à l'école, s'il y a une petite sortie, un petit voyage scolaire, c'est des enfants qui sont exclus socialement. Et quand on se construit entre 0 et 6 ans, c'est dramatique d'être seul dans son coin. C'est des parents qui n'ont pas simplement les moyens d'envoyer des enfants à l'école, de ne pas les faire garder. Ça veut dire pas travailler pour pouvoir s'occuper d'un enfant. C'est un choix impossible. On compte sur vous, ces familles comptent sur vous. 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui ont besoin de vous. Imaginez tous ces petits bébés qui n'ont rien choisi, qui n'ont pas choisi d'être là, qui n'ont pas choisi d'être dans cette situation et pourtant qui doivent la subir. Et pour avoir rencontré une famille pour la préparation du Via for Life, on est tous allés dans une famille pour voir le quotidien, pour voir comment ça se passait. C'est des enfants qui ont des étoiles dans les yeux, vraiment ils ont des yeux qui sourient et malheureusement ils ne connaissent pas les choses normales de la vie, ils ne connaissent pas des petits moments de bonheur ou des grands moments de bonheur. Par exemple Noël, les anniversaires, c'est des moments où ces enfants n'ont pas de cadeaux. Alors c'est des petites choses mais c'est hyper important pour des enfants. On compte sur vous, ils comptent sur vous. On veut exploser le compteur de l'année dernière. 2 100 000 euros, c'est beaucoup déjà, mais on veut faire mieux et c'est grâce à vous qu'on va y arriver. Vraiment, on compte sur vous. C'est un petit geste qui vous prend quelques secondes. Vous appelez le 0800 30 007. Il y a toute une équipe de gens super sympathiques qui vous attend au téléphone. Et c'est ce petit geste qui va permettre de faire la différence et de faire changer cette situation qui n'est pas normale. On aimerait faire Viva for Life l'année prochaine. Idéalement, il faudrait qu'il n'y en ait plus. Mais on sait qu'on ne va pas régler le problème cette année. Si l'année prochaine, on peut vous dire Via for Life, maintenant c'est plus que 50 000 enfants qu'il faut aider, ce sera déjà une grosse victoire et c'est grâce à vous qu'on peut y arriver. 0800 30 0 007, vous faites un don, vous choisissez la musique et puis on l'écoute, ou alors si vous voulez juste faire un don directement sans choisir de musique parce que vous voulez que ça aille vite, 40 01, vous tapez votre numéro de compte, un espace, le montant que vous donnez à Via for Life, le numéro de SMS est gratuit, donc 40 01. Merci déjà beaucoup. Il est de retour dans son costume rouge, passant de cheminée en cheminée, prêt à tout pour accomplir sa mission. En décembre, soyez prêts pour le Père Noël, le retour. BTV, Hollywoodise les fêtes et dépose sous le sapin les meilleurs films inédits et des séries exclusives comme Cendrillon, Fast and Furious 7 et Under the Dome saison 3. En ce moment, BTV est à 24,90€ par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous au 02 730 40 50. BTV, déchaînez-vous. Ah oui, déchaînez-vous. Offre soumise à condition. Viva for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, Flair, il faut le Flair. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Thumers. C'est un anniversaire éclatant pour la ville de Liège. Voici 11 ans, s'ouvrait chez Sélection au passage Lemonnier la superbe boutique Swarovski, le magicien du cristal. Swarovski, ce sont des bijoux, des montres et bien sûr de merveilleux sujets de cristal. Swarovski, c'est 1001 idées de cadeaux scintillants à ne pas manquer chez Sélection. Passage Lemonnier au cœur de Liège. For life. Viva for life. La musique a du cœur, partageons-la. As free as the- passe vraiment d'un style à l'autre dans Viva for Life, c'est ça qui est chouette. Et c'est vous qui faites cette programmation. Et au passage, vous aidez les enfants qui en ont besoin, les enfants qui vivent dans la pauvreté. Et vous continuez à le faire. Il faut se mobiliser, il faut pas relâcher. C'est pas parce qu'on arrive tout doucement à la fin qu'il faut se dire que le boulot est fait. On compte sur vous. 28h42 minutes et 7 secondes. Et grâce à chaque geste que vous faites, on va y arriver. On l'espère. En tout cas, 0830 007. Et vous nous demandez souvent à quoi va servir l'argent. Et bien, tout au long de l'année, on soutient des associations dont Madame Cause Bénédicte vient nous parler. Bonjour Bénédicte. Bonjour Cyril. Eh bien, je voudrais vous parler de l'histoire d'Anthony. Anthony est avec nous par téléphone. Juste avant de lui donner la parole, c'est d'expliquer que la pauvreté, elle peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment dans la vie. Et Anthony, il a entendu toutes les histoires autour de Viva for Life et il avait envie de témoigner. Bonjour Anthony. Bonjour madame. Alors expliquez-nous un petit peu votre histoire. Ben simplement, c'est difficile parce que bon, mon histoire, elle est simple. Je vais dire, en 2008, j'ai eu des problèmes cardiaques qui font qu'en tant qu'agent de sécurité, je n'étais plus bon sur le marché de l'emploi. Donc on me l'a dit comme, voilà, comme je vous le dis, j'étais un canard boiteux. D'accord. Donc voilà, donc terminé, on n'est plus agent de sécurité du jour au lendemain. Donc on rentre dans un niveau social déjà élevé. Et puis donc, un peu après, j'ai eu ma séparation, qui a été pour moi un départ dans l'aventure sociale très grande. Parce que bon, j'avais mis la maison de mon épouse à son nom. Mm-hmm. Donc là, ben voilà, on m'a donné le titre de SDF, ce qui est très bien. Et donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais voilà, je suis très bas. J'ai beaucoup de mal à remonter. La vie est très compliquée pour vous en ce moment. S'il vous plaît. Je dis, la vie est très compliquée pour vous en ce moment. Très compliquée dans le sens qu'au niveau relationnel, on ne sait pas remonter la pente. Mm-hmm. J'avais une amie qui, justement, m'a quitté en juin parce que je pense beaucoup à elle. Donc, je lui fais un petit coucou au passage. Isabelle, je l'adore. Elle m'a quitté pour le vénal. Elle a trouvé quelqu'un de mieux. Simplement parce que ma situation ne s'améliore pas. J'ai été mis à la rue donc par un ministre belge, bourgmestre. Et voilà, donc avocat de par surplus, donc Monsieur Dimitri Fourny. Et donc ça a été fait sans arrière, voilà, on ne peut pas se tourner sur moi, quoi. Et ce qui est difficile pour vous, je pense, c'est le regard des autres. Le regard des autres est énorme parce que je n'arrête pas de me remettre en question, je n'arrête pas de vouloir avancer avec mes qualités. Je fais de la peinture, je fais de la mythologie, de la naturopathie, voilà. J'ai des cordes à mon arc, mais simplement, ben, comme je le disais encore maintenant à mon ami là qui vient de me dire bonjour, ben, les gens, si on se plaint, ben, ils vous contournent, ils vous éloignent, ils vous effacent de leur regard. Mm-hmm. Et c'est ça qui est super étonnant quand on voit que les gens, via Viva for Life, via l'hiver 2012, à Namur, avec la RTBF à l'époque, ils se mobilisent, ils veulent faire des dons, ils veulent, oui. Mais ça serait peut-être bien déjà de regarder les gens autour de soi. Il y a social et social. Il y a les gens qui sont dans le social de père en fils, de génération en génération. Il y a les gens qui ont un accident de vie comme moi et qui sont isolés et qui s'enferment dans leur bulle. Une action comme Viva for Life, selon vous, est nécessaire pour faire bouger les choses? Je dis, une action comme Viva for Life est importante pour faire bouger les choses, pour faire prendre conscience des difficultés que de nombreuses personnes rencontrent chez nous en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ben, je pense que, de toute façon, ici, mon témoignage, je veux aussi qu'il soit entendu dans le sens que, même si on veut se sortir de ce phénomène, comme je vous disais, c'est tout qui s'enchaîne. À partir du moment qu'on vous donne le titre de SDF et que vous vivez, je vais dire, le titre de la rue, tout s'écroule. Mm-hmm. Donc aussi bien au niveau travail qu'au niveau social. Donc voilà, après ça, il n'y a plus rien. On ne sait pas redresser la barre. C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. Et bon, je dis toujours, enfin, depuis que j'ai vécu cette histoire, se reconstruire, c'est très difficile. Non, pas seulement parce qu'on reste seul et les gens vous fouillent, mais parce que à partir du moment que vous avez l'étiquette de cas social, ben vous restez dans social. Merci Anthony pour votre témoignage. On le rappelle, le nombre d'appels à projet auprès de Viva for Life. Je peux faire un petit coucou à mon Isabelle, Thomas et Isabelle, Allez-y. Oui, donc à mon ami Isabelle, ses enfants, Thomas et Isabelle, je leur fais un gros coucou et de joyeuses fêtes. Merci Anthony. Beaucoup. Merci Anthony pour votre témoignage. Et on le rappelle, le nombre d'appels à projets déposés auprès de Viva for Life a doublé cette année. Cela est un signe concret des besoins urgents sur le terrain. Il faut agir. Nous avons besoin de votre don pour pouvoir répondre à ces demandes tellement importantes pour l'avenir de nos enfants. Nos enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut appeler le 0800 30 007, le site internet vivaforlife.be pour faire votre don, ou le SMS au 40 01. Vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. On l'entendait dans le témoignage d'Anthony, on peut vite être exclu, être mis sur le côté, être isolé. Et quand c'est le cas, c'est impossible de se sortir de la misère. Et donc, grâce à vous, on peut arriver à ne plus isoler ces personnes et à les réinclure dans la société et faire en sorte qu'ils retrouvent peut-être un travail, qu'ils aient de nouveau des contacts. Et vous imaginez des enfants qui sont sans contact, des enfants qui sont isolés juste avec la famille. Ben, ce n'est pas des enfants qui vont bien grandir. Vous pouvez changer les choses. On compte sur vous. Ces familles ont besoin de vous. 0800 30 007, vous faites vos dons, vous choisissez la musique et ensemble on va y arriver, vraiment. Tant qu'on est en ville, on ne chercherait pas la montre que je veux offrir à Luc. Tu connais la marque? Oui, mais où la trouver? Attends Hélène, je cherche sur l'app Localizy. Voilà, on la vend à 300 mètres d'ici et les avis sur le vendeur sont très bons. Allez, on y va. Le commerce autrement, localizy.com. localizy.com. Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de frésia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Vos courses au meilleur prix, chez Colruyth, c'est notre métier. En fait, je constate que pour les produits comme le saumon, les crevettes ou les chicons, les prix changent quasi tous les jours. Alors chez Colruyth, comment vous faites pour être le moins cher? Eh bien, chez Colruyth, on compare chaque jour tous les prix, aussi pendant les fêtes. Et on diminue nos prix si nécessaire. C'est ça qui fait notre différence. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. Le Spar de Lucie. Waouh Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci, c'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyth Group, toujours avantageux. Même pendant les fêtes. Tell me my sin, can someone rescue me? place à Frédéric de Mazi qui a fait cette demande. On a 100 euros de plus à ajouter au compteur de Viva4Life. Merci beaucoup. Avec un petit message bien sympathique. On aime bien quand vous mettez des messages aussi. Bravo pour ce que vous faites. Sarah, Cyril et Sébastien sont vraiment fabuleux. Quelle pêche, quelle volonté. Continuez. Nous passons vous voir chaque jour. Vous êtes formidables. Vous allez nous manquer. Bah, merci à vous. C'est vous qui êtes formidables de vous mobiliser aussi nombreux pour Viva4Life. Et vous pouvez encore le faire. Vous devez encore le faire. On a besoin de vous. Les familles comptent sur vous. 0800 30 007. C'est le numéro de téléphone à composer absolument. Vous faites un don, vous choisissez la musique. Une nouvelle musique qui arrive dans un instant, Le Coup de Soleil de Richard Cochante, ce sera dans un petit instant. Et puis je vous parle de ce qui se passe ici en ce moment sur la place de la Digue juste après la pause. Proximus présente Storygram. Qu'est-ce que tu vas faire pour Viva4Life cette année? Je vais envoyer une dinde. Une dinde? Ouais. Ah, ou deux. Deux dindes? Mmh. Dis donc. Et les timbres, tu vas les coller où? Pour vos vœux de fin d'année, envoyez gratuitement une dinde via l'app Storygram. Et soutenez Viva4Life. Téléchargez maintenant l'app. Proximus, infiniment proche. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Un repas de fête 100% bio? Oui, c'est possible, grâce à Biofagne. Biofagne. Votre supermarché bio à Neupret et à Teux. Biofagne.be. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Timers. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chaudfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Attention mesdames et messieurs, approchez de ce cube de verre. Il y a du cirque, il y a du diabolo, il y a du monocycle. Il y a en ce moment sur la place de la Digue à Charleroi une démonstration de cirque. C'est à partir de 16h30 que vous allez pouvoir réaliser même, c'est jusqu'à 16h30 pardon, que vous allez pouvoir réaliser des initiations au cirque. Alors si vous voulez venir avec les enfants, si vous voulez passer un bon petit moment sur la place de la Digue, n'hésitez pas à venir rejoindre l'école de cirque Cirque Comédie qui nous fait le plaisir d'être ici sur la place en ce moment. Alors on m'a rapporté des accessoires. Sarah, comme tu es encore là, Sarah, est-ce que tu as déjà fait du cirque toi? Non. Alors est-ce qu'on peut juste allumer le micro? Le micro, il est là. Hop, Sarah, prends le micro. T'as vu qu'on a des accessoires qui sont arrivés. Est-ce que, aïe. Est-ce que tu es prête à faire un petit peu de cirque avec moi? On va faire le cirque Viva4Life dans ce cube, en direct sur Télésambre et sur le Live Center RTBF. Pour les enfants, mobilisons-nous, je suis prête quasi à tout. Alors, qu'est-ce que tu prends? Il y a un diabolo et il y a, je sais pas comment ça s'appelle, un truc où... Enfin, un truc, voilà, un truc à roulette. Ah. Ça s'appelle un truc casse-gueule, je pense. Je vais essayer le truc à roulette où il faut marcher avec la roulette. Moi, j'essaie le diabolo pour l'instant, là. N'hésitez pas, si vous êtes sur les réseaux sociaux, à commenter notre cirque. J'aurais dû prendre le diabolo, je pense. Mais c'est impossible de faire ça. Cyril, si on échangeait, parce que moi je suis grande, alors peut-être que quand je suis grande. C'est impossible. Ah ! Mais ça casse tout aussi. Oh là là, Cyril, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le diabolo qui a. C'est un petit coup dans le plafond, rien de grave. Attention. Vas-y, on va voir si tu fais mieux avec le diabolo. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Casse pas une jambe, on a besoin de toi encore, Cyril. Oh, oh, oh. Hey, en fluidité. On va se casser un truc si on continue. Donc si le problème c'est que nous on n'a pas l'initiation au cirque. Donc venez vous si vous voulez être meilleur que nous. N'hésitez pas à le faire sur la place de la Digue à l'initiation en ce moment. Par contre il faut en fait il faut le lancer au sol, Sarah, au départ. Comment ça? Regarde, hop, tu. Alors le concept, Sarah, c'est de mettre le diabolo sur le fil, hein, parce que si le diabolo est au sol, ça ne marche pas. Regarde, tu dois le lancer au départ. Hop, comme ça, voilà. C'est pas au point. On va essayer de s'entraîner. Pendant ce temps-là, on écoute une petite musique qui a été choisie par quelqu'un qui est au téléphone. Allô, bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, c'est Étienne. Salut Étienne, comment ça va? Bah, ça va super, et vous? Bah, ça va bien, vous passez une bonne après-midi avec nous? Oui, toujours. Hein. Alors, vous avez choisi quelle chanson et pourquoi? Alors, j'ai choisi la chanson donc, J'ai attrapé un coup de soleil de Richard Cochetet. Il est amoureux. Et alors, pourquoi? Parce que ça fait... Ça fait 10 ans maintenant que je suis avec ma compagne. Ben voilà. Et alors, c'est un petit souvenir qu'on a entre nous. Donc voilà. Comment elle s'appelle la compagne? Anissé. Et ça va bien avec elle? Ouais, super. Au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, toujours super, ouais. Bah c'est chouette, ça c'est beau. Un beau message d'amour et vous avez donné 40 euros pour l'écouter. Bah c'est pour vous. J'allais dire c'est pour vous Richard, mais non c'est Richard qui chante et c'est vous qui avez choisi la musique. Etienne, on vous remercie, à très vite. Avec plaisir. Et on me dit en même temps dans l'oreillette, c'est pas Richard qui chante, c'est Richard qui chante. C'est drôle en régie. Ouais. Beaucoup d'amour, écoute, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit. Je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais les envies d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver, je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je t'en plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la tête en face, et de visiter ton paradis. Ça y est, c'est sûr, faut que je me décide. Je veux faire le mur et je tombe dans le vide. Je sais que tu m'attends près de la fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier, il fait très beau, on peut ramer, la mer est calme, on peut se tirer. Mais tu n'es pas là, et si je rêve tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là, et tu sais j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face. Et visiter ton paradis, mais tu n'es pas là. Non, non, non. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand t'es dans l'âme, dans plus les nuits. Tu n'es pas là. Richard Cochante, le coup de soleil avec un beau message d'Étienne qu'on a eu à l'instant au téléphone. Vous aussi partagez la musique parce qu'elle a du cœur et cette musique que vous partagez, elle permet de récolter de l'argent et grâce à cet argent, on va pouvoir aider des enfants entre 0 et 6 ans qui ne vivent pas comme ils devraient, qui ne vivent pas dans des super conditions et on a besoin de vous pour faire changer les choses. 0830 007. Grâce à Benjamin Maréchal, on fait changer les choses aussi, on récolte de l'argent un petit peu partout en Wallonie. Benjamin, vous êtes à Liège pour votre défi aujourd'hui. Oui, je suis donc dans le village de Noël où je vous attends à 18h parce que nous avons installé à Liège un véritable cube de Viva for Life. C'est ici que tout a commencé et pour l'instant, des menuisiers bénévoles qui se sont manifestés ce matin sont en train de construire la structure du cube dans lequel nous enfermerons 3 sosies, le vôtre Cyril, celui de Sarah et évidemment Sébastien Nolvo. Alors, dans mon dos, parce que nous sommes allés manger une petite raclette sur le village de Noël pour tout vous dire, je reviens seulement à notre campement au pied de la Grand Roue et je vois que pour l'instant, nos ouvriers sont en train d'installer un cadre avec du plexiglas pour le cube de verre que vous découvrirez tout à l'heure. Nous répéterons votre sortie. Voilà l'événement auquel vous allez assister ici au village de Noël. Mais à ce stade, il me manque encore quelques éléments. J'ai besoin de confettis par sac. Nous allons répéter la sortie du cube, il faudra que ce soit festif. Si vous avez des confettis, 0472 724 704, c'est le numéro de téléphone du Viva for Life Tour. Je n'ai pas encore les sosies, normalement, j'attends d'ici quelques minutes les candidats, ceux qui veulent incarner votre rôle. Et puis, je cherche une robe élégante qui pourrait convenir à une femme de ma carrure. Donc, si vous avez une robe de soirée dans l'esprit et dans le style un peu sophistiqué d'Anne-Laure qui présentera l'émission, eh bien, apportez-nous cette robe ici au pied de la Grand Rue. J'en ai besoin car ce soir, je serai Anne-Laure. L'équipe a estimé que j'étais la plus ressemblante. Voilà où nous en sommes. Vous êtes un grand malade, Benjamin, avec toute votre équipe. Et on va y arriver à se faire ce cube. Donc n'hésitez pas, Benjamin, à lancer cet appel. Aidez-le, 0472-724-704. J'ai hâte de découvrir le résultat ce soir sur la une, entre 18h30 et 19h20. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Merci, Benjamin, à tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. Voici Coldplay, A Sky Full of Stars. Ça a été demandé par Nathalie de Dilbeek. Elle donne 50€, Nathalie, c'est super gentil. Il y a Étienne aussi de Timister qui a donné 40€. Waouh, à ce rythme-là, le compteur grimpe. Mais on a besoin de vous encore, mobilisez-vous. 0800 30 007. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Si vous êtes du genre à chanter, ça vous empêche d'appeler. Rassurez-vous, il y a une petite pause là, un petit peu de pub, des infos, de la météo. Pendant ce temps-là, vous pouvez appeler, vous mobiliser 0830 007. On a besoin de vous. Il faut vraiment vous mobiliser. Vous dites pas qu'on est à la fin et que tout est réglé. Le téléphone doit sonner 0830 007. Nouvelle heure de Via for Life dans un instant. Ce sera juste après la météo de Nicolas qui est toujours là pour nous dire quel temps il va faire et puis plein de surprises qui arrivent dans la suite de Via for Life. Ne bougez pas. Oh, une averse de petit prix. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bon après-midi à tous. Nous aurons encore des éclaircies cet après-midi, entrecoupées de passages nuageux. Le risque d'averse diminue et les températures sont douces, hein, 10 à 15 degrés attendus. Mais toujours ce vent qui est assez fort, voire même tempétueux au littoral. Des rafales jusqu'à 75 km à l'heure, 60 à l'intérieur des terres. On s'attend à ce que le ciel se couvre à nouveau la nuit prochaine avec de la pluie ou de la bruine qui va s'évacuer demain matin, un peu comme aujourd'hui. Et puis demain après-midi, on espère des éclaircies, 8 à 13 degrés. Et puis jeudi sera une journée un petit peu de répit. Et puis il devrait commencer à pleuvoir le soir du réveillon et la nuit de Noël avec des températures pour vendredi, jour de Noël, comprises entre 8 et 12 degrés. Vos cadeaux parfums, votre beauté et votre bien-être méritent le meilleur. Chez Audrey, c'est votre garantie de perfection. Ces cadeaux de rêve en soins de beauté, relaxation ou parfumerie, Audrey vous les apporte avec son service réputé pour votre totale plénitude. Audrey Parfumerie, Institut et tellement plus. À Liège, Fléron, Spa, Boncel. Audrey.be. Beauty City. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région. Toutes les plus grandes marques, des centaines d'idées cadeaux, de nombreux soins en institut dans un cadre convivial et professionnel. Beauty City, la plus grande parfumerie avec institut de votre région, avenue François Cornès à Aiwai. Vivacité et la Une présentent. Le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel. Avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. La soirée de clôture de Viva for Life, le final d'une semaine pleine d'émotions. Rendez-vous place de la Digue à Charleroi pour accueillir Sarah, Sébastien et Cyril à leur sortie du cube. Découvrir le montant récolté et participer au grand show de clôture avec Zazie et Kid Noise. À suivre en direct ce 23 décembre dès 18h30 sur Vivacité et en télé sur la Une. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. Vous écoutez Vivacité, il est 15h. Le journal est présenté par Marianne Brillo. Plus de 70 000 personnes ont perdu leur allocation en 2015 auprès de l'ONEM, un chiffre donné par le syndicat socialiste FGTB. C'est une estimation. Cela concerne les chômeurs sanctionnés, les exclus des allocations d'insertion et les jeunes privés de ce droit aux allocations. C'est le gouvernement Di Rupo qui avait décidé de limiter les allocations d'insertion dans le temps. La grève du rail annoncée pour le mois de janvier, 5 jours. Cette grève aura-t-elle lieu? Le gouvernement fédéral maintient sa position. Il demande la suspension des préavis. Il a lancé un nouvel appel ce midi à l'issue d'un comité ministériel restreint. Les syndicats lèvent leurs préavis, sinon pas de conciliateurs sociaux et pas question de mener des négociations sous la pression d'Action sociale. 18 mois de prison ferme pour une jeune femme de 27 ans qui avait été contrôlée en niqab à Jette. Jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle avait refusé d'enlever son niqab pour ce contrôle d'identité avant d'agresser des policiers. Ce sont des faits qui remontent à 2012. Cet incident avait donné lieu à des émeutes dans la zone de la police Bruxelles-Ouest. Des émeutes alimentées par le mouvement islamiste radical Sharia for Belgium. La jeune femme n'était pas présente aujourd'hui au tribunal. Le tribunal qui a réclamé son arrestation. La grève se poursuit à la prison de Mons. Les agents pénitentiaires ne sont toujours pas satisfaits après l'accord conclu hier entre le ministre de la Justice et les représentants syndicaux. Un accord qui porte notamment sur la pénurie de personnel dans les établissements pénitentiaires. Alors que plus d'un million de migrants sont arrivés cette année en Europe, ce nouveau drame, 11 migrants dont 3 enfants sont morts noyés aujourd'hui au large des côtes de la Turquie lors du naufrage de leur embarcation en mer Égée. Une dizaine d'autres réfugiés ont pu être sauvés en face de l'île grecque de Samos. Il est 15h de bel après-midi avec nous et avec Cyril. On retourne tout de suite dans le Cube à Charleroi. Le point RTBF Mobile Info avec vous, Anne-Michel Blouberg. Comment ça va cet après-midi? Eh bien, ça se passe plutôt bien. L'accident a été dégagé sur le 313 et Anvers à hauteur de Reims. Cela dit, on a encore quelques fils. Vous perdez une trentaine de minutes en direction d'Anvers. Et puis un radar à se mettre sous la dent sur le 42 Mons-Liège. On lève le pied entre Chapelle-Herlaimont et Timéon. Vous vous êtes fait griller votre priorité? Consolez-vous avec un toast de foie gras. Il est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for life! Viva for life! Avec Cyril. Une nouvelle heure de Viva for Life qui démarre et le compteur de le chronomètre qui diminue, 28 heures, 11 minutes et 2 secondes pendant lesquelles vous devez vous mobiliser. Alors comment faire? Bien, vous choisissez la musique, c'est comme ça que ça se passe dans Viva for Life. Vous choisissez la musique que vous avez envie de partager, vous mettez quelques euros, on l'écoute et puis en même temps on fait gonfler la somme que l'on découvrira demain soir à la sortie du Cube avec Zazie qui sera avec nous. Alors tous les styles sont permis, il n'y a pas de limite. Vous avez envie d'écouter un petit peu de rock? Faites-vous plaisir! Metallica, pourquoi pas? Alors là, on change un petit peu, mais ça marche aussi, on peut vous le passer. Si vous êtes fan de cette musique et vous demandez ce que c'est, au moment où vous demandez au call center, c'est Pills. 0800 30 007, vous appelez le numéro pour peut-être demander du Jimi Hendrix. Il y a un DJ français qui marche très bien, il s'appelle Laurent Garnier. Vous pouvez le demander. Ne vous dites pas, tiens, mon choix, il passera pas parce que sur Vivacité, c'est pas la musique qu'on passe. On se fait plaisir. Pendant Viva for Life, on passe tout ce que vous avez envie d'entendre. Vous faites un don et on vous passe votre musique. 0830 007, on compte sur vous. Et une musique qui a été demandée par Bernard de Bruxelles. Il donne 100 euros, Bernard. C'est super sympa. Merci, Bernard. C'est celle de Zazie, rue de la Paix. Zazie qui sera là demain soir avec nous sur la place de la Digue. C'est Marraine qui nous sortira du Cube. Viva for Life. Je vends mon moto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène ne vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison. Monopoliser la tension et rester. Et vous, vous achetez la musique, on compte sur vous pour le faire. 0830 007, il est encore temps de vous mobiliser. Grâce à vous, on va récolter cet argent pour aider des associations qui se battent tout au long de l'année. 140 appels à projets qu'on a reçus cette année, même plus de 140. Ça veut dire qu'il y a du boulot, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui peut aider des familles qui vivent dans la pauvreté, des enfants entre 0 et 6 ans qui sont dans des difficultés qu'ils ne devraient pas connaître. Madame Cause Bénédicte Duval est avec nous pour nous parler justement de la manière dont est utilisé cet argent. Effectivement, et pour en parler, nous avons le coordinateur de l'association La Prairie, Jean-François Cusse. Bonjour. Oui, bonjour. Alors parlez-nous de votre association qui s'appelle donc La Prairie. Oui, donc La Prairie, c'est une ferme d'animation située sur deux implantations, sur Moucron et Dottigny, et nous, où nous accueillons les enfants entre 4 et les adolescents jusqu'à 21 ans. Et donc, on pratique des ateliers à la ferme, hein. Donc, balade de poney, fabrication du pain, soins aux animaux, atelier jardin, etc., etc. Donc, tous les ateliers qui tournent autour de la ferme et son environnement. Alors, la particularité de votre association, c'est la mixité sociale. Des enfants de familles aisées côtoient des enfants plutôt précarisés. Cette mixité, elle est importante pour vous? Oui, c'est ce qui fait la richesse de l'association et surtout des activités. Donc on a effectivement un public très varié et l'entraide et les différentes dynamiques qui sont au sein de l'association sont très très très intéressantes dues à cette mixité sociale effectivement. Alors vous faites appel à Viva for Life, vous avez donc déposé une demande de financement, expliquez-nous pourquoi. Alors, les projets, naturellement, sont nombreux au sein de l'association. Et donc, on s'est dit, ben voilà, c'est le travail au quotidien qui nous incombe et les différents projets qui sont en route méritaient éventuellement un soutien, pourquoi pas. Et donc, on s'est dit, on va tenter le coup, on va essayer d'apporter un plus à ces différentes rencontres. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a tenté notre chance auprès de Viva for Life. Vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que les situations sont de plus en plus difficiles pour de nombreuses familles chez nous? Ben, on a différents partenariats qu'on a mis en place justement à cause de ces difficultés quand les gens ont participé aux ateliers. Donc, par exemple, en l'occurrence, un partenariat qui s'est ouvert il y a quelques années maintenant avec le CPS, fait que on a plus en plus de demandes et de gens qui sont qui ont des difficultés à participer aux ateliers parce que bah, voilà, ils sont dans une certaine précarité. De plus en plus de gens le sont au sein de notre public en tout cas. Et donc c'est vrai que cette mixité sociale, on doit y être attentif, mais on a beaucoup de plus en plus de publics précarisés, et donc ce qui fait que on doit continuer à laisser l'accessibilité à tout le monde de participer aux activités. Donc voilà, c'est un peu le défi et les défis qui vont nous animer ici tous les prochains mois et les prochaines années. Merci pour votre témoignage, Jean-François. Et en ce moment, vos enfants profitent peut-être de cette période de vacances pour participer à des activités de loisirs et d'éveil. Malheureusement, chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de nombreux enfants n'ont pas la possibilité de profiter d'activités extrascolaires essentielles pour leur bien-être et leur développement. Vos dons permettront aux associations de pouvoir ouvrir davantage leurs portes, et on n'y arrivera pas sans vous. Il ne reste que quelques heures pour agir. 0800 30 007, c'est important. On rappelle cette fameuse déduction fiscale à partir de 40 €. Vous pouvez déduire ce montant au niveau des impôts. C'est-à-dire que vous donnez 40, vous en retouchez 18. C'est comme si vous en donniez 22. Ça vaut le coup quand même, c'est les soldes. Il ne faut pas hésiter à donner à Viva for Life. Vos dons seront utilisés, soyez-en sûrs. 0800 30 007, le site internet vivaforlife.be, où il y a toujours le SMS au 4001, vous tapez votre numéro de compte suivi d'un espace, suivi du montant de votre don. Vous disiez, Bénédicte, qu'il ne reste plus énormément de temps sur le chronomètre. Il y a 28 heures précisément, à quelques secondes près, mais 28 heures. C'est ça, ça peut paraître long, mais 28 heures, le temps de peut-être aller faire quelques courses de Noël, le temps de rentrer du boulot. Mais après, ça va vite passer ces heures-là. On va passer une bonne nuit et puis on se dira, ah bah, Viva for Life, c'est terminé. Faites-le maintenant, ne reportez pas. 0800 30 007, on vous dit merci. Kipak de Kitred Bank, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitredbank.be. Bonjour, c'est Lara Fabian. Salut, c'est Saul. C'est Raphaël. Salut, c'est Célasse. Faites comme nous. Faites un don. Soutenez Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Faites un don au compte 8x0 37 37. Info vivaforlife.be. L'agriculture de Wallonie soutient Viva for Life. Ça vient d'ici, ça vient du cœur. Envoyez vos vœux avec l'app Storygram de Proximus et soutenez Viva for Life. Découvrez dans votre Lidl la gamme délicieux. Avec cette semaine, la dinde à 3,79€ le kilo. Pour Noël, préparez une belle dinde farcie à votre famille. Parce qu'à la fin du repas, c'est la bûche glacée que vous allez vous farcir. Et les blagues de tonton Georges. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Le 25, les plus grandes voix et les meilleurs crooners se donnent rendez-vous dès 19h sur Vivacité avec Marc Vernon et Bruno Timers. Les piscines Leisure Pools, groupe Servimat, vous souhaite un joyeux Noël ainsi qu'une bonne année 2016 et vous remercie de votre confiance. Attention, attention, il y a des gens qui font des énormes dons et on veut leur dire un énorme merci. Chaque petit don compte, mais si vous avez l'occasion de donner beaucoup, évidemment, on vous dira pas non. 0800 30 007, Jean-Paul Delanne a donné 1000 euros. 1000 euros, c'est énorme. On ajoute ça à la cagnotte Via for Life. Jean-Paul qui a choisi d'écouter Quand on a que l'amour de Jacques Brel. Bah, il en a beaucoup d'amour, Jean-Paul, merci. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Que rajouter de plus? Je pense que Jacques Brel a tout dit. Quand on n'a que l'amour, donnez, partagez. 0830 007, on compte sur vous. Vous pouvez nous appeler à tout moment, même si vous avez juste deux minutes devant vous, bah profitez-en, c'est le temps qu'il faut. Et encore, c'est en ayant le temps de dire comment se passe votre journée pour appeler le 0830 007. Nous allons au téléphone tout de suite. Il y a quelqu'un qui est là. Allô, bonjour, c'est Mickaël. Bonjour, bonjour Mickaël, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Bah, je fais rien, j'étais sur l'ordinateur et j'ai fait un don pour Vivre voilà. For Life. Et ça prend du temps de faire un don? Non, ça prend deux minutes. Voilà, vous avez appelé ou vous avez fait par internet? Par internet. Par internet, voilà, vous choisissez votre chanson, vous mettez le montant que vous voulez donner, vous cliquez sur valider et puis c'est fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Exactement. Bah, y a un message en particulier sur la chanson que vous avez choisie? En fait, j'ai choisi cette chanson parce que ma mère est fan de Kenji et voilà, j'ai pris Kenji pour elle. C'est Kenji avec Conmigo. Et vous êtes fan de qui? Vous êtes fan d'un ancien chanteur? Ben moi j'ai fait un don aussi, c'est pour Maître Gims. D'accord, ah oui ça va. Donc votre maman est dans les chansons actuelles, mais vous aussi quoi. Je me disais au cas où, voilà. C'est inversé, votre maman les chansons jeunes. Et puis la phrase, je la terminerai une autre fois. Salut Mickaël. Bisous, à bientôt. J'avais juste prévu de rentrer. Et puis sur toi je suis tombé. Tu as la peau qu'on voudrait goûter. Et le sourire moi caliente. Comme si le temps s'était arrêté. Au ralenti, je t'ai vu t'avancer. Devant ta beauté, je reste planté. Me laisse pas solo, solo. Je vais pas te saouler. Je vais juste être dans le dos et te voir tanguer. Est-ce que t'aimes danser, te balancer? Arrête un peu de penser et laisse-moi t'enlacer. Solo, solo, de toi je suis fou. Dis-moi ce que je dois faire pour t'amadouer. On pourrait bouger, se mélanger, se mettre un peu en danger. Premier regard, je suis charmé. Tu es un ange venu me tenter. Et je pourrais bien succomber. Entre nous, y'a le fuego, l'envie. Tant de désirs inassouvis. Si le désir est de la partie, eh ben, me laisse pas solo, solo. Je veux pas me poser. Mais j't'ai dans la peau, on pourrait causer. Est-ce que t'aimes danser, te balancer? Arrête un peu de penser et laisse-moi t'enlacer. Solo. Conmigo, conmigo, venga a bailar. Conmigo, conmigo, venga a bailar. Conmigo. Eh ben la chanson est terminée, c'est ça, hein, d'aller à la boîte aux lettres, parce que vous êtes super nombreux sur la place de la Digue. Il y a même la file, il y a une file énorme à la boîte aux lettres. Donc merci à toutes et tous de venir jusqu'ici, ça nous fait plaisir. Et puis c'est à chaque fois des petits dons qui rentrent dans la boîte aux lettres. On va aller faire un tour, on va ouvrir le micro de la boîte aux lettres avec deux petites filles qui sont devant. Bonjour, comment vous appelez? Meredith. Meredith, et à côté? Ruby. Ruby, vous êtes sœur? Oui. Et vous êtes venu avec, avec quoi? Avec un petit sou pour la boîte à dons et alors des dessins aussi? Racontez ce que vous avez apporté. Il y a la caméra juste là devant vous, vous pouvez montrer le gros truc noir qui bouge tout seul, c'est la caméra. Et alors c'est quoi? C'est la fée Clochette que tu as dessinée et puis Viva for Life que tu as écrit sur un beau dessin. Et ben merci beaucoup les filles. Vous faites un petit don aussi au passage, c'est super gentil, il y a de l'argent qui rentre dans cette cagnotte. Papa et maman autour qui aident aussi, c'est super sympa. Attendez, je vais venir récupérer les dessins directement, le temps de vous passer un tout petit peu de pub. Et puis on revient dans un instant avec une nouvelle boule de la Loterie Nationale que je vais accrocher au sapin. Je vous explique tout ça dans quelques secondes. Devinez qui je suis. Oui, c'est Benjamin Maréchal. Dites, j'interromps encore la pub, parce que Viva for Life a un dernier défi à relever à Liège. Eh ouais, c'est exactement là que tout a commencé. J'ai vu cette semaine que je pouvais compter sur vous, mais je préfère vous redemander un petit coup de main. Il me faut un maximum de monde. À partir de 18h, à la place Saint-Lambert de Liège, c'est pour Viva for Life. Est-ce que vous serez là? Parce que nous, on sera là. Mais si vous êtes là, prenez un sou. Merci. Salut, c'est Julie Compagnon et je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation. Avec toute la musique de Vivacité, Pharrell Williams, The Avenger, Black M, Alain Souchon, Maître Gims, Alice on the Roof, Sam Smith. 40 titres, la compilation qui a du cœur, au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. Vos courses au meilleur prix, chez Colruyth, c'est notre métier. Pendant les fêtes, les grands dîners s'enchaînent. Une dinde par-ci, une fondue par-là, et encore un gourmet. Mais comme on mange rarement toutes ces bonnes choses, je connais pas les prix. Comment je fais pour trouver le moins cher? Venez chez Colruyth. Pour vous garantir les meilleurs prix, nous comparons tous les prix, tous les jours. Et donc aussi pendant les fêtes. C'est ça qui fait notre différence. Colruyth, votre garantie des meilleurs prix. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Jusqu'à 18h, partageons-la avec Cyril. Pour faire vos dons, 0830 007. Ce numéro, si vous ne le connaissez pas encore, bah c'est pas grave. Faut pas le connaître par cœur, faut le composer au moment où je vous le dis. On le fait ensemble. 0800 3 0 0 0 7. Allez-y, composez ce numéro au téléphone. Il y a toute l'équipe du call center Enalo à Gosli qui vous attend. Vous choisissez la musique, vous faites un don et puis on fait avancer le schmilblick. On va faire gonfler ce compteur que l'on découvrira demain à la sortie du cube. Une autre façon de faire monter ce compteur, c'est d'enchérir sur notre sapin de Noël, notre sapin de la Loterie Nationale qui est ici en studio. Je vais y accrocher la 13e boule tout de suite en direct et l'idée c'est que vous allez pouvoir repartir avec donc la valeur totale de ce sapin de Noël. Il y a énormément de tickets à gratter dedans et c'est ce qui va vous permettre de repartir avec peut-être beaucoup d'argent puisque total c'est même 500 000 euros que vous pouvez gagner. Alors j'attrape la boule, hop là c'est parti, je vais la mettre en direct sur le sapin directement. Il y a déjà énormément de boules puisque c'est la 13e que j'ajoute. Où est-ce qu'il y a de la place? Voilà, 13e boule accrochée, grâce à la Loterie Nationale peut-être 500 000 euros pour vous et des enchères à faire pour ça, deux sites internet viaforlife.be ou alors vous allez sur deuxièmemain.be. On compte sur vous, les enfants comptent sur vous. Et puis la musique a du cœur, on la partage, on continue à le faire tout au long de cet après-midi et pendant encore les 27h47 minutes et 39 secondes qu'il nous reste à passer dans ce cube, avec une demande de Luc qui ajoute 25 euros pour Via for Life. Luc de Nîmes Saint-Vincent qui voulait écouter cette chanson, Dire Straits, So Far Away. Faites comme lui, Luc vous montre la voie, suivez-le, il vous prend par la main et il vous dit d'envoyer 0800 30 007, enfin d'appeler et vous d'envoyer un SMS 4001, c'est une autre façon pour faire un don. Si vous voulez pas choisir de musique, vous voulez simplement nous envoyer de l'argent, vous pouvez. Vous tapez votre numéro de compte, un espace et le montant que vous désirez donner à Via for Life pour soutenir un enfant sur quatre qui vit dans la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie. Where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so far away from me. You're so far, I just can't see. You're so far away from me. so far, I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. Take it out. Dire Straits dans Viva for Life sur Vivacité, et c'est une chanson qui a été choisie. C'est comme ça, c'est le concept de Viva for Life. Toutes les chansons qu'on vous passe, c'est des chansons qui ont été choisies, et en échange de quelques euros ou de beaucoup d'euros. On a eu tout à l'heure un don à 1000 euros. Si vous avez de l'argent que vous avez envie de nous donner, si, même si c'est beaucoup, on accepte bien sûr, et si c'est un peu, on accepte avec plaisir également. Et n'oubliez pas qu'à partir de 40 euros, c'est déductible fiscalement. Vous en donnez 40, vous en recevez 18 en retour de l'État. Merci à l'État. Et donc, c'est comme si vous donniez au final uniquement 22 euros. Mais nous on touche les 40, donc ça aide les familles qui en ont besoin. Trop de familles qui vivent dans la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie, c'est un enfant sur 4. Au total ça fait 80 000. Donc visualisez le stade Roi Baudouin. Vous voyez un stade Roi Baudouin bien complet, c'est 40 000 personnes, mais vous remplacez les personnes habituelles par des enfants, uniquement des enfants, et c'est deux stades. C'est énorme, c'est beaucoup trop, on compte sur vous pour faire changer ça. 0800 30 007. Quand vous appelez ce numéro, vous arrivez au call center Enalo, où on retrouve Jean-Marc. C'est à Gosselies, Jean-Marc de Serres, tout va bien cet après-midi? Ouais, tout va bien, Cyril. Une petite précision concernant la déclaration fiscale. Oui. L'attestation comme quoi vous avez fait un don arrivera au mois d'avril. Parce que beaucoup de gens nous rappellent ici au call center pour, oui, en posant la question. L'attestation arrivera au mois d'avril pour les contributions futures. D'accord. Jean-Marc, voilà, vous ne bougez pas. On va juste mettre un tout petit peu de pub et puis on revient juste après avec vous. Et on va faire un petit tour des gens qui sont autour de vous, de tous les bénévoles qui se donnent à fond pour décrocher le téléphone. D'accord? Absolument. À tout de suite, Jean-Marc. Découvrez dans votre Lidl la gamme délicieux. Avec cette semaine, la dinde à 3,79€ le kilo. Pour Noël, préparez une belle dinde farcie à votre famille. Parce qu'à la fin du repas, c'est la bûche glacée que vous allez vous farcir. Et les blagues de tonton Georges. Les produits frais de chez Lidl, pour tout ce qui compte. Écoutez, Eurocenter devient Kitchen Market. Et voilà la bûche. Ah, et c'est moi qui l'ai faite. Allez, je coupe la première tranche pour mamie. Ah, avec un peu de meringue, mamie. Parce qu'on a tous envie de bien cuisiner, aujourd'hui, il y a Kitchen Market. Petits et gros électroménagers, cuisine équipée, ustensiles Alice Délices et cours de cuisine. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Envie de réussir vos repas de fête? Foncez chez Kitchen Market et ses 2000 ustensiles Alice Délices, pratiques et pas chers. La force est puissante dans notre famille. Rendez-vous sans plus attendre dans l'univers Fiat pour profiter de conditions exceptionnelles de fin d'année sur toute la gamme. Embarquez vite chez votre distributeur Lana. Lana, boulevard Xénogramme 33 à Herstal. Salut Sarah, c'est Sylvie Honoré. Allez, tu fais ça comme une grande, on est tous derrière toi, bravo. Viva for Life, la musique a du cœur. Partageons-la. Bonjour, ce mardi 22 décembre, je vous donne rendez-vous à Charleroi pour Viva for Life. La musique a du cœur, alors partageons-la ensemble. Mardi 22, 10-18h à Charleroi. Comme Loïc noté, soutenez Viva for Life. Faites un don sur le compte 8x0 37 37. Retrouvez toutes les infos sur vivaforlife.be. Crespin Tiller, votre meilleur choix au meilleur prix garanti. Vos cadeaux, outillages et électroménagers, c'est Crespin. Vos fêtes commencent déjà dans le magasin. Un accueil, un service, c'est Crespin Tiller. Yeah. RTBF Mobile Info tout de suite. Anne-Michel Vlouberg, cet après-midi, il y a des petits soucis à signaler. Effectivement, du côté de Charleroi, mais probablement que c'est pour la bonne cause, ah bah donc oui. On ne va pas s'en plaindre. Principalement des ralentissements sur le ring 9 de Charleroi dans le tunnel Yernaud en direction de la 54. Des embarras de circulation également, boulevard Franz de Wandre et tous les alentours du rond-point avec le gros chien Marsupilami. Vous perdez là une dizaine de minutes. Ralentissement également à Bruxelles du tunnel Stéphanie au tunnel Louise vers Kuckelberg. Et puis je vous rappelle ce radar sur le 42 Mont-Sliège entre Chapelle, Herlemont et Timillon. Vous vous êtes fait griller votre priorité? Consolez-vous avec un toast de foie gras. Il est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On va retrouver Jean-Marc Dessert. Jean-Marc, vous êtes toujours au call center Enalo? Absolument, j'y suis toujours avec cette cinquantaine de bénévoles qui recueillent vos appels encore jusqu'à demain soir, on vous le rappelle, jusqu'à ce soir 21h, hein, donc vous avez encore quelques heures aujourd'hui, puis encore demain à partir de 7h du matin, et puis on va c'est vrai que quand vous appelez le 0800 30 007, ouais, j'ai failli oublier, je ne connais que ça et j'ai failli oublier, donc 0800 30 007 et bien non seulement vous faites un don, mais vous choisissez également une chanson qui passera à l'antenne, sur l'antenne de Vivacité. Jean-Marc, est-ce qu'on voulait sortir du call center? Parce que vous allez être fatigué aussi, comme nous. On vous a enfermé pendant les 6 jours 6 nuits aussi, en fait. Mais c'est-à-dire que je peux sortir uniquement pour aller au défi. Voilà. D'accord. Les différents défis que j'ai suivis durant ces quelques jours, on m'autorise à sortir. Autrement, je suis bloqué ici. Mais en charmante compagnie, j'ai Sandrine ici à côté de moi. Alors, je vais demander ici aux bénévoles quelles chansons, eux, ils choisiraient en faisant un don. Bonjour Sandrine. Bonjour, on est en train. Oui. Sandrine est au téléphone, hein. C'est vraiment en direct. Tant mieux. Live. Quelle chanson, Sandrine? Alors moi j'aurais choisi Patrick Bruel. Avec Casser la voix. Et ben voilà, un petit bout pour Sandrine. N'hésitez pas, faites plaisir à Sandrine. Appelez-la. Et en plus, quand vous appelez le 0800 30 007, vous pouvez demander la personne que vous voulez au téléphone. Donc si vous voulez Patrick Bruel, demandez à Sandrine, ça lui fera plaisir. Oui, j'ai cru que vous allez me dire demander Patrick Bruel. Pourquoi pas? Il aurait pu être. On ne sait jamais. Oui. Alors, on ne sait jamais. Nous avons Benoît également ici à côté. Bonjour Benoît. Lui aussi est occupé à récolter un don. Donc on va attendre 10 petites secondes. Mais c'est voilà, une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens se mobilisent et appellent. Continuez à le faire. Tout à fait. Faites en sorte Bonjour, que Jean-Marc Dessert ne puisse pas terminer cette séquence et que tout le monde soit au téléphone. 0800 30 007. Faites-le maintenant. C'est le défi que je vous lance. Allez-y, oui. Bonjour Benoît. Bonjour. Tout se passe bien cet après-midi? Mais bien, bien, bien. Et quelle chanson avez-vous choisi? J'ai choisi What a Wonderful World de Louis Armstrong. Pas facile à dire. Trees of green, red roses too. Très bon choix aussi, ça. N'hésitez pas à le demander. 0800 30 007. Appelez maintenant, vraiment. Il faut que tout le monde soit au téléphone pendant que Jean-Marc essaie de parler aux bénévoles. Hein. Est-ce que Elodie est occupée? Non, je suis actuellement. Ah, j'ai gagné. Voilà. Alors, appelez Elodie tout de suite, 0800 30 007. Quelle chanson vous choisiriez, Elodie? Ben Harper, With My Own Two Hands. Oh, with my own two hands. C'est bien ça pour se détendre, Ben Harper. Vous pouvez aussi le demander. Hein. Appelez 0800 30 007. Vous avez encore d'autres bénévoles autour de vous, Jean-Marc? Oui, j'ai Rudy. Bonjour Rudy. Bonjour. Quelle chanson, Rudy? Easy Come Easy Go de Alice on the Roof. Alice qui sera là ce soir sur la place de la Digue. Venez assister à son showcase. Ce sera aux alentours de 18h. Elle sera ici sur la place en vrai avec sa magnifique voix, Alice on the Roof, que vous pouvez demander avec EasyCom, EasyGo, 0800 30 007. Je sais qu'il y en a qui écoutent et qui n'ont pas encore appelé. Ben oui, allez-y, une petite dernière. Allez. Aline, bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Ça va, oui. Beaucoup d'appels? Ça va encore. Grand. Comment ça, ça va encore? Hop, hop, hop, hop, hop. Dis donc. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui appellent si elle dit ça va encore? Ouais, c'est pas mal. Hein. Je l'ai vu, elle est quand même relativement bien occupée. Mais elle voudrait être surchargée, débordée. Et Aline, vous avez choisi une chanson? Oui, c'est celle de Jacques Brel, Les Vieux. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux. La chanson des vieux amants. Vous pouvez la demander aussi vivaforlife.be sur le site internet ou 0800 30 007. Jean-Marc, vous avez du temps là avant de repasser à l'antenne? Oui. Et bah de ma part, vous faites un gros bisou à tous les bénévoles, un par un, tous ceux qui sont en train de. Mais d'ailleurs, faites-le en direct. On va pas attendre que vous soyez en antenne. Je veux entendre le bisou. Je vais commencer. Allez, vous faites le tour. Par Sandrine, qui est la première. Un bisou. Voilà. Voilà, un premier bisou. Voilà. On continue. On fait le tour. Allez, on y va. Un bisou. Voilà. Et ça m'est occupé, mais je l'ai fait sur le front. C'est très bien. Bah, allez, vous continuez. Des hommes aussi. Vous faites le tour de tout le monde, Jean-Marc. Et pendant ce temps-là, c'est parti. On va continuer à écouter la musique que vous partagez. À tout à l'heure, Jean-Marc. À tout à l'heure. On écoute Morane, toutes les mamas. Ça a été demandé par Henri de Orion aux Aimons. Il a donné 50 euros. Merci beaucoup Henri. Et Henri nous a laissé un message. Vous militez pour les enfants dans la pauvreté par ce titre. Je pense à tous les enfants qui sont en pauvreté et maternelle car maman travaille trop pour pouvoir serrer les deux cordes de la bourse pour toutes les mamans qui ne peuvent subvenir à leurs besoins pour diverses raisons. C'est un beau message et c'est pour ça que vous devez vous mobiliser, c'est pour ça que vous devez appeler et ne pas attendre. 0800 30 00 07. Tous les enfants qui sont dans la pauvreté comptent sur vous. Entre 0 et 6 ans, il y en a 80 000 à Bruxelles en Wallonie. C'est beaucoup trop. Mobilisez-vous, il faut que ça change. Toutes les mamans, les Antilles d'Afrique ou de Cuba, ont de l'or dans la voix. Toutes les mamans, c'est d'endire au soleil, sous des paniers d'ananas. Toutes les mamans, ont des boubous de toutes les couleurs, et des colliers. Mama, c'est Morane qu'on vient d'écouter. Vous partagez la musique, il y a du cœur. On compte sur vous pour le faire vraiment parce qu'on a besoin déjà de passer de la musique et ensuite on a besoin de vos dons. 0800 30 007. Par SMS, ça fonctionne aussi. 4001, vous tapez votre numéro de compte, un espace, le montant que vous voulez donner à Viva4Life. Et puis l'autre possibilité, c'est aussi d'aller sur viva4life.be.

dire un grand merci à Béatrice de Team Mystère qui a demandé cette chanson offerte à David avec Words, parce que c'est 50€ qu'on ajoute à la cagnotte Viva for Life. Cet argent sert bien évidemment tout au long de l'année, on aide des associations, Bénédicte. Effectivement, et direction Bruxelles avec Nikki Butz que nous avons par téléphone. Vous êtes la directrice du centre de services pour l'enfant situé donc à Bruxelles, je le disais, qui soutient les familles qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont parfois démunies face à l'arrivée d'un enfant. Vous proposez des formations pour les mamans, des activités récréatives pour les enfants et vous intervenez également pour du matériel scolaire. Vous avez été financée en 2014 et aujourd'hui vous aviez envie de nous expliquer à quoi a servi l'argent en nous faisant part de l'histoire d'Aretha. C'est bien ça, Nikki ? Oui, absolument. Expliquez-nous un peu. S'il vous plaît ? Expliquez-nous cette histoire. Eh bien, je voulais vous parler d'Aretha. C'est une jeune maman avec 3 enfants qui a quitté dans la guerre de Yougoslavie son pays en étant 18 ans. Mm-hmm. Eh bien, elle n'a jamais eu l'occasion d'aller à l'école ou à l'université ou quoi, même qu'elle est très douée. Elle a vécu pendant 10 années dans la pauvreté et comme elle était bénévole chez Naski pendant des années et qu'elle a travaillé comme article 60, elle a trouvé sa nouvelle famille ici en Belgique avec Naski et mm-hmm. tous les autres bénévoles de notre équipe. Et bien maintenant, grâce à Visa for Life et Cap 48, on a pu engager Aretha maintenant pour durant 2 années. C'est quand même magnifique. Et pendant 4 jours sur 5, elle travaille chez Naski en donnant de l'aide juste à les mamans qui se trouvent aujourd'hui dans la même situation dont elle a vécu pendant 10 années. Donc c'est-à-dire que maintenant, elle conseille ses mamans, elle peut expliquer par où elle est passée et qu'effectivement on peut s'en sortir grâce à des associations comme la vôtre. Oui, absolument. Vous savez que la pauvreté et l'exclusion sociale, c'était sa vie avant l'aide de Viva for Life et Cap 48. Et maintenant, elle-même, elle donne des conseils, elle aide les mamans dans la façon... elle est très respectueuse, vous savez, très motivée, très gentille. Et c'est quelque chose que les mamans qui se trouvent dans la même situation, ils ont besoin de quelqu'un qui connaisse leur situation. Bien sûr. Et qui comprenne aussi qu'est-ce qu'elle vit chaque jour, quoi. Cyril, c'est pas une belle histoire, ça, grâce à Viva for Life. Et c'est magnifique. C'est là qu'on se rend compte que ça sert vraiment votre argent. Pour les gens qui se posent la question, pour des journalistes qui écrivent des articles de merde, parce qu'on en a vu passer ces dernières heures, cet argent sert concrètement. Ça sert à rien. Je pense à un article sur levif.be, des pseudo-journalistes qui sont allés diviser le montant des 2 100 000 euros par le nombre d'enfants qui vivent dans la pauvreté. C'est évidemment pas ça qu'on fait. C'est complètement stupide d'aller dire que chaque enfant va recevoir 25 euros. Ça n'aurait aucun intérêt. Là, c'est concret, c'est une maman qui est aidée. Le fait que cette maman soit aidée, c'est son enfant, sa famille qui peut revivre normalement, qui peut revivre des choses normales comme toutes les familles devraient les vivre. Et c'est à ça que sert Viva for Life. Effectivement, et en 2014, Viva for Life a financé 51 associations. Aujourd'hui, 140 associations ont besoin de votre générosité pour réaliser leur travail de première urgence auprès des enfants en situation de pauvreté. On doit donc faire mieux, on n'a pas le choix. Et on compte évidemment sur vous, 0800 30 007. Le message est clair, il faut appeler, il faut vous mobiliser, il reste 27h20 pour le faire. Ne traînez pas, faites-le, à force de reporter un moment vous ne le ferez pas et ce sera dommage, vous n'aurez pas pu contribuer à cette belle aventure. 0800 30 007. Merci Bénédicte, à tout à l'heure. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Anymore, I want them to turn black. I see

Un nouvel accord conclu entre les organismes assureurs et les médecins et pour les deux années à venir. La sécurité des tarifs est garantie auprès des médecins conventionnés. L'accord prévoit aussi l'interdiction de facturer aux patients hospitalisés en chambre individuelle des suppléments d'honoraires pour des prestations en biologie clinique, par exemple, ou en génétique, très peu de disciplines en fait. C'est la première fois que les médecins et les organismes assureurs abordent ensemble la question de ces suppléments. Commander ces cadeaux dans un autre pays de l'Union européenne revient très cher. Le prix d'un colis est en moyenne 5 fois supérieur au tarif national en raison de la différence des coûts de livraison entre États membres et des problèmes aussi de commandes en ligne, problèmes de livraison. La Commission européenne s'appuie sur une étude universitaire et dit regretter ces coûts élevés. Un exemple, envoyer un colis de la Belgique vers l'Espagne coûte quelque 26 euros, deux fois moins depuis les Pays-Bas. De quoi dissuader les clients. Moins d'un consommateur européen sur deux achète sur Internet dans son pays. Ils sont 15% à commander dans un autre pays. C'est toujours bon à savoir, à quelques semaines du salon de l'auto, les particuliers qui choisiront une voiture au gaz naturel, ces clients bénéficieront d'une prime de 1000 euros en janvier et en février prochain, annonce faite aujourd'hui par la Fédération du gaz naturel. Une fédération qui en profite pour rappeler les avantages des véhicules au gaz naturel. Jusqu'à 30% de moins à la pompe par rapport au diesel et à l'essence, une technologie sûre ou bien encore la quasi-absence de particules fines. Quelque 2600 véhicules au gaz naturel circulent pour l'instant sur nos routes, dont plus de 2000 en Flandre. Cet autre chiffre, 4700 emplois ont été créés dans les entreprises d'insertion en Wallonie pour un public fragilisé. Plus de la moitié de ces entreprises sont actives dans les titres-services, le tri ou encore le nettoyage industriel. Ce match d'alignement ce soir en football, Charleroi se déplace à Moucron. C'est une rencontre qui avait été reportée à cause de la menace terroriste et pour le compte de la 16e journée de championnat. Coup d'envoi du match à 20h30. À 17h, ce sera le journal de Vivacité. Ce sera avec Jérémy Gilter. Tout de suite, on retourne à Charleroi. Et de Charleroi, nous partons à Perrex pour un point RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Blouberg. Et toujours du monde pour rejoindre Charleroi via le ring 3 de Charleroi où l'on a des déchets de pneus à signaler à hauteur de Fontaine-l'Évêque. Le passage est difficile à cet endroit en direction d'Épigny. À noter également des chiens errants, tout d'abord sur le 429 à Tournai à hauteur de Bassilly en direction de Tournai, mais également sur le 19 Mons-Bruxelles à hauteur de Felluy en direction de Bruxelles. Objet encombrant sur le 42 Prume Bâtisse, il s'agit d'une pelle qui se trouve à hauteur de Poleur. C'est la bande de gauche qui est encombrée en direction de Bâtisse. Les embouteillages vous font bouillonner? Ça ira mieux autour d'une bonne fondue. La viande est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for Life. De 14h à 18h avec Cyril. 27h, 10 minutes et 30 secondes. Ça paraît pas grand chose et pourtant il faut absolument que vous vous mobilisiez dès maintenant. 0830 007, c'est le numéro de téléphone du call center avec toute l'équipe de NLO à Gosselies qui vous attend. Une équipe super sympathique. Alors c'est vrai qu'ils sont bénévoles, mais c'est pas pour autant qu'il faut les laisser se reposer. Vous devez saturer les lignes. Je compte sur vous pour passer un maximum d'appels, faire un maximum de dons pour choisir la musique qu'on partage ensemble. Alors si vous n'êtes pas trop dans l'idée de passer de la musique, vous avez juste envie de partager, de donner, de faire un don. 40 01, c'est le numéro de SMS. Vous pouvez envoyer votre numéro de compte, un espace et le montant que vous avez envie de donner à Via for Life. À partir de 40 euros, c'est déductible fiscalement et vous pouvez également faire un virement directement et c'est la même règle. Le montant à partir de 40 euros, c'est déductible, hein, quel que soit le procédé que vous employez pour faire votre don. Il faut pour ça faire un virement sur le compte BE 35 8 x 0 37 37. Nous allons aller du côté de la boîte aux lettres parce que c'est aussi une façon de faire un don, c'est de venir ici sur la place de la Digue à Charleroi. Il y a énormément de monde cet après-midi. Merci à toutes et tous d'être là. Et il y a des gens qui viennent de loin. C'est Florence qui est à la boîte aux lettres. Bonjour Florence, viens, rapproche-toi du micro. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Alors tu viens d'où? De Liège. De Liège exprès. Là où Viva for Life était implanté l'année dernière, la première saison aussi. T'étais venue à Viva for Life les deux saisons dernières? Chaque fois je viens, je donne quelque chose. Et là t'es venue de Liège jusqu'à Charleroi, bah, c'est super sympa. Parce qu'en plus il y a une espèce de rivalité entre Liège et Charleroi de temps en temps, surtout au foot. Tu suis le foot? Pas trop, non. Pas mais trop. J'ai une idée quand même. Ah, t'as une idée. et ça va, tu te sens bien quand même à Charleroi. Oui, ça va. Les Carolos sont super accueillants quand même. Hein. Mais j'ai peur de rien. Hein. Mais de toute façon, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Honnêtement, tout se passe bien à Charleroi et les gens sont juste adorables. Ça nous fait plaisir que les Carolos se mobilisent et viennent sur place, mais aussi qu'il y a des gens qui viennent de partout. Il y a quelqu'un qui est passé de France tout à l'heure, qui venait de Longwy à la frontière du Luxembourg, et puis toi qui viens de Liège. Merci Florence. Voilà. Tu as mis un petit sou dans la boîte ? Oui, j'ai mis. Allez hop, on ajoute ça à la cagnotte. Salut Florence. Alors il y a quelqu'un d'autre à la boîte aux lettres. Bonjour Cyril. Bonjour. C'est Jean-Philippe, je viens faire un don. Et également j'ai pensé à Cubi. Ah c'est gentil, il commence à avoir faim Cubi. Je peux le déposer, tu viendras le chercher dans... Je vais le chercher dans la boîte, il n'y a pas de problème. Et en tout cas génial hein. Eh ben c'est gentil, super. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Hein. Allez il y a encore quelqu'un, on fait passer parce qu'il y a la file. On fait défiler tout le monde. Bonjour, c'est quoi le prénom? Clara. Merci pour les sous Clara. Salut. Hop là, personne suivante. C'est une petite fille, comment tu t'appelles? Viens plus près. Méline, t'as donné un petit sou pour Via for Life. C'est super gentil, c'est ton petit frère à côté. Voilà, il est déjà parti le petit frère. Salut. Quelqu'un d'autre à la boîte? Continuez, hein, venez ici sur la place de la digue. Merci pour le petit sou. C'est quoi vos prénoms? Debrou. Je suis déjà sur internet chez vous. Je fais tous les ravels avec vous. Ah ben c'est super sympa, un fidèle de la RTBF. Eh ben c'est super sympa. Merci beaucoup. On continue à faire des dons 0830 007. N'hésitez pas, que ce soit par téléphone ou sur place ici à la place de la digue. Et vous choisissez la musique Simple Minds qui a été demandée par Silvano de Marcinel. Il a donné 10 €. Hop là, on ajoute ça tout simplement parce que je suis fan et je voulais vous la faire partager. Merci Silvano. Viva for life. À l'instant dans Via for Life sur Vivacité, c'est la musique que vous choisissez, vous la partagez et vous faites des dons pour ça 0800 30 007. Alors d'habitude dans Via for Life, il y a toute une équipe qui nous dit tout le temps dans le casque et sur nos écrans ce qui se passe. Là, je vais pas vous mentir, je ne sais absolument pas ce qui va se passer puisqu'il est écrit surprise 3 points. Donc voilà, j'attends de savoir ce qui va se passer en direct à 16h10 dans Viva for Life. Alors, ce sera juste après la pub, ce sera juste après la pub, ne bougez pas. Viva for Life, avec nos partenaires. CCML Show soutient Viva for Life, pour qu'aucun enfant ne souffre du froid. Avec le soutien de la Loterie Nationale. Bonjour. Oui, bonjour. Dites, j'ai vu chez Kitred Bank, ils font une offre KiPack où tout est gratuit. Oui. Donc le compte à vue, la carte de banque et même la carte Visa. Et en plus, ils nous payent 5 cents par transaction vu qu'on fait tout online. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la même chose chez vous? Non, on n'a pas ça chez nous. Chez nous, il y a certains avantages, mais non, on ne distribue pas de l'argent quand même. KiPack de Kitred Bank. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitredbank.be. C'est moi, Hip. C'est bientôt Noël et votre hypermarché Carrefour va vous emballer avec ses prix bas. Allez, par exemple, la dinde de Noël à seulement 3,78€ le kilo. Oui, 3,78€. Bam! Mais attention, c'est seulement jusqu'au 24 décembre. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. De force. Où est Lemons? J'ai écrit un chant de Noël. Ah, bien, bien, vas-y. Jingle grill, andalou, c'est brochette. Oh. Tous à table. Si ça, ça ne trouve pas l'ambiance en Noël, alors... Ouais, mais enfin, si l'andalou suffit pas, on prend la samouraï. Oui, la voilà. La samouraï qui met l'ambiance en Noël. De force Lemons. À table. Cette semaine, le Père Moustique vous apporte un numéro à placer sous le sapin. Une édition exceptionnelle avec la rétrospective 2015. Les événements qui vous ont marqué, les personnalités qui vous ont touché en 64 pages et 70 photos. Et en cadeau, le calendrier grand format illustré des rendez-vous incontournables de 2016. Moustique, l'hebdo qui pique. Préparez vos cadeaux de Noël chez Intersport Liège. Venez vite découvrir un très grand choix de cadeaux ski, surf, running, casque, chaussures, veste, pantalon, sous-vêtements techniques. Et profitez de nos départements location et entretien. Intersport Liège, à Chénet, Quai des Ardennes, 1200 mètres carrés dédiés au sport. Intersportliège.be. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Et c'est le moment de la fameuse surprise promise par la régie, toute l'équipe qui travaille derrière dans ce cube de Via for Live. Il y a 150 personnes de la RTBF qui se mobilisent. Merci à toute l'équipe qui bosse et merci à vous qui faites des dons. 0800 30 007. Une nouvelle chanson dans un instant. Mais avant, la surprise, je ne sais pas d'où ça va arriver. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut peut-être me tenir informé, me dire? Alors, ça arrive. Pendant ce temps-là, bah, ça vous laisse quelques secondes pour appeler le call center 0800 30 007. Alors... La surprise. Ah. Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on the green Christmas tree. Snowflakes starts falling. That's when those blue snowflakes start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue, blue, blue Christmas. Snowflakes starts falling. That's when those blue memories start calling. You'll be doing all right with your Christmas of white, but I'll have a blue, baby, blue, blue, blue Christmas. You'll be doing all right with your blue, blue, blue, blue Christmas. Da, da, da, da. Yeah. Ah ouais, cool. Un sosie d'Elvis, un imitateur d'Elvis qui est avec nous cet après-midi dans le cube de verre ici sur la place de la Digue, Franz Gouwartz. Et alors, ce qui est exceptionnel, Franz, c'est que tu es le premier non-américain à avoir gagné un concours d'imitation d'Elvis, c'est ça? Oui, absolument. Bah, c'est énorme, en 2006, ça. Il y a déjà 10 ans bientôt. D'accord. Et champion du monde à Memphis, Tennessee, en effet, le seul européen. Comment elle t'est venue cette passion pour Elvis? 15 ans, j'habitais Mont-sur-Marchienne, ici Charleroi. Je suppose que c'est un régional de l'étape alors. Mais c'est une des raisons pour laquelle je suis ici, puisque je représente ma région, mais également le fait d'avoir commencé très jeune. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et d'avoir gagné le championnat du monde à partir de en 2006 a changé ma vie complètement, quoi. C'est-à-dire, ça a changé en quoi? Ben, grâce à ça, j'ai pu me produire régulièrement aux États-Unis. Ici, on vient de revenir il y a 3 semaines de Baltimore. Ouais. Donc, depuis 10 ans maintenant, on fait des tours en Europe, mais également aux États-Unis, quoi. Donc, chanter dans la maison mère, entre guillemets, c'est toujours un réel plaisir, quoi. Et dans une ville qui te le rend bien, tu es citoyen d'honneur ici à Charleroi. Ici à Charleroi et à Memphis, Tennessee. Ah oui, carrément. Ouais, et j'ai été reçu par le maire de la ville de Memphis, Tennessee et le bourgmestre de l'époque de Charleroi. Donc, ouais, c'est sympa. T'as des fans d'Elvis, du coup, qui viennent te voir, qui t'envoient des messages? Ah, du monde entier, oui, étant donné que j'ai réussi à faire parler de moi et que sur le net on voit quand même pas mal de choses, puisque j'essaye de ne pas imiter Elvis réellement physiquement, entre guillemets, l'image essaye d'être présente. Oui, il y a un petit air dans la coupe de cheveux, dans la tenue. Mais c'est mon style, exactement. C'est, mais c'est surtout le fait que je chante Elvis du plus profond de mon cœur et que je suis un fan avant tout et que je n'essaye pas d'être la star, entre guillemets. Mais comme t'as beaucoup de monde qui te suit probablement dans le monde entier, est-ce que tu peux, sur les réseaux sociaux, lancer un appel au don mondial? Que vraiment tout le monde se mobilise, qu'à Memphis, les gens aussi se disent, bah ok, on va aider la Belgique parce que c'est un carolo et on va soutenir les enfants. Tu peux nous faire ça? Yeah, sure. If you wanna send some money, you just have to follow the link at viva4life.be, and if you want to send $5, $10, and this will help the kids, and it's a really big deal over here. Many kids don't have a lot of money, don't have food, and so if you want to do something around the world, just help us, Belgium, United States, everywhere around the world. And so in the same time, I would like to wish you a Merry Christmas and a wonderful New Year. Et souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde. Eh ben merci beaucoup. On va récupérer l'extrait, on va te l'envoyer, comme ça tu peux le partager sur les réseaux sociaux et envoyer tout ça aux États-Unis. Ce sera un... Merci beaucoup Elvis Junior d'être passé nous voir. Merci à vous, merci à Vivacité. Mess in darkness, no electricity. Something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pecked deeper still. The night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep, sleep, sleep. Insomnia de Faceless. Quand on vous dit qu'on passe de tout sur Vivacité, c'est vous qui choisissez la musique, c'est vous qui partagez la musique, qui a du cœur et qui faites un don pour tous les enfants à Bruxelles et en Wallonie qui en ont besoin. Je vous rappelle ce numéro de téléphone qu'il faut absolument composer, le 0800 30 007. Une fois que vous faites un don, cet argent est hyper utile, on vous le dit régulièrement, avec Bénédicte Duval qui vient nous parler de la cause Viva for Life. Et tu n'es pas venue toute seule, Bénédicte. Non, je suis accompagnée de Maxime Paquet qui a réalisé un reportage sur les familles d'accueil d'urgence. Ce sont des familles qui acceptent d'accueillir chez elles un enfant pour une durée de 45 jours maximum, parce que cet enfant doit être retiré de son milieu familial très rapidement. Maladie d'un parent, négligence, maltraitance ou pauvreté sévère, les situations sont nombreuses et très variées. On écoute le reportage et on en parle avec Maxime juste après. Nous sommes à Noirchin, près de Mons. Depuis un peu plus d'un mois, un enfant de 7 ans est accueilli dans cette famille. Colin Nazdrowski a 10 ans et avec ses parents, son frère et sa sœur, il est famille d'accueil d'urgence. En général, dès que je rentre de l'école, je demande à ma maman pour savoir s'il y aura un enfant. Tous les jours ? Oui, quasi. Parce que ça peut arriver tous les jours ? Oui, même par exemple une demi-heure après, une heure, ça peut arriver tout le temps. Sur le pont en permanence, c'est un peu ça être famille d'accueil d'urgence. Ben, je crois qu'il est là depuis environ 35 jours. Et ben, ça dépend du moment, il est un peu... Remuant, c'est le mot. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il parlait pas, il avait toujours la tête basse. On allait manger, il a pas voulu manger pendant quelques jours. Fin. Et après, il a un peu commencé à venir près de nous. Pierre-André Allais est juge de la jeunesse à Charleroi. Faire placer des enfants dans l'urgence, c'est son quotidien. Il n'est pas toujours forcément question de maltraitance, mais parfois juste d'une extrême pauvreté. Son constat est simple et cinglant. Nous vivons encore dans certains lieux de grandes villes, comme Charleroi, Liège, mais aussi à la campagne, des poches de grande pauvreté. C'est vraiment parfois par le plus grand des hasards que les forces de l'ordre constatent que des enfants se trouvent dans une situation de précarité inouïe. Mais quand je dis inouïe, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas de lit, qu'ils n'ont pas de quoi être nourris, ils n'ont pas un toit. C'est de ça dont il s'agit. On ne parle pas de pauvreté légère, on parle de pauvreté sévère, hein, et qui ne sont pas révélées malgré le tissu social qui est important. C'est ça qui est vraiment très surprenant. C'est que ça, je pense que cette grande pauvreté engendre une désocialisation, une déscolarisation. Donc ce sont des gens qui sont en dehors du circuit de la sécurité sociale. Et nous les découvrons au hasard, très souvent, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à intervenir. En 2015, bientôt en 2016, en Belgique, c'est tout à fait anormal. Les familles d'accueil ne résolvent pas le problème de la pauvreté. Elles offrent à des enfants une solution humaine qui n'est que temporaire. C'est un reportage bouleversant. Vous trouvez oui. pas, Cyril? Ben si, et d'ailleurs, on doit de nombreuses larmes dans cette émission à Maxime Paquet qui a fait ses reportages. Avec plaisir. Non mais Maxime, juste une question. Toi, tu as rencontré toutes ces familles. Oui. T'en sors comment de tous ces reportages que tu as fait? Parce que nous, avec Sarah, Sébastien, on est tous allés dans une famille. Ça a été hyper compliqué. On a mis des jours à s'en remettre et on y pense encore tous les jours aujourd'hui. On a des histoires hyper difficiles qui nous sont racontées régulièrement ici. Toi, comment tu t'es senti après tous ces reportages? C'est pas facile. C'est pas facile tout le temps, loin de là. Mais à un moment donné, je suis aussi obligé de mettre une certaine barrière émotionnelle parce que sinon, je m'en sors pas. Ouais. Parce que sinon, je rentre chez moi le soir et ça remue et j'y pense encore et encore. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Et même quand on essaie de mettre une barrière, il y a rien à faire, ça reste dans la tête. On ressort pas de cette aventure sans y penser en fait. On pense à des choses différemment après, quoi. Exactement. Il y a pas vraiment l'autre mot pour ça, mais oui, j'en sortirai marqué, ça c'est clair. Mais justement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce reportage qu'on vient d'entendre, Maxime ? Moi, ce que je veux retenir, c'est que cette pauvreté grave, extrême, là dont il est question, comme l'a dit ce juge de la jeunesse qui parle de manière limpide, hein, c'est qu'elle est, elle est invisible, elle est quasiment impossible à détecter, et c'est souvent par hasard, une dénonciation d'une famille, une descente de police, le voisinage qui parle, qu'on se rend compte qu'il y a des situations quasiment inimaginables. Et c'est à ce moment-là seulement qu'on peut intervenir et que parfois, effectivement, un enfant est placé en centre, en pouponnière pour les plus petits, mm-hmm. ou dans des familles d'accueil. Mais j'imagine que ces familles d'accueil, elles sont peu nombreuses. Malheureusement, oui. Le manque de familles d'accueil, on va le rappeler, il est criant. Et je rappellerai aussi, d'une part, que effectivement, s'il est criant, il faut changer ça. Et que d'autre part, contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, il n'y a pas de structure familiale idéale pour être famille d'accueil. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de nombre dans une famille. Toute famille peut, a priori, être une bonne famille d'accueil. Voilà, donc un appel aux bénévoles, en quelque sorte. Cela fait plusieurs jours qu'on vous informe sur ces situations dramatiques, ces familles touchées par la pauvreté. Maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Il faut agir. Et en faisant un don, vous aidez les associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté. Ces associations peuvent offrir aux familles des lieux de répit, d'échange, de soutien, mais aussi un accompagnement pour tenter de briser ce cercle vicieux de la pauvreté. C'est pour cela qu'on a besoin de vous. Faites un don 0800 30 007. Vous appelez le call center, toute l'équipe est là. On va faire un point d'ailleurs au call center avec Jean-Marc Dessart dans quelques minutes. Et vous demandez la musique que vous avez envie de partager. Ici, en l'occurrence, Laura Pozzini, La Solitudine. C'est Thomas de Courcelles qui a donné 55€ pour l'écouter. Merci Thomas, faites comme lui. 0830 007. Merci Bénédicte, merci Maxime. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui. È un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia. Agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli solitude, Iné, Laura Pozzini. Évidemment, la solitude, il faut l'éviter pour les enfants. Ça les exclut et ça leur empêche, ça les empêche de grandir correctement, de se construire. Et grâce à vous, on peut y arriver. 0830 007. On compte sur vous pour faire vos dons. C'est hyper important. Ne le faites pas un peu plus tard. Faites-le maintenant. 0830 007. On va rejoindre Jean-Marc Dessert dans un petit instant au call center NLO à Gosselies. Et si vous n'avez pas envie de choisir de la musique, si vous êtes plutôt du style à juste vouloir faire un don, ben, on va pas vous dire de passer votre chemin. On prend BE35 8x0 37 37, c'est le numéro de compte. Vous pouvez faire un virement directement ou alors par SMS 40 01 et vous ajoutez votre numéro de compte ainsi que le montant, après avoir mis un petit espace, le montant que vous donnez à Via for Life. Sinon, pour choisir la musique, ben, quelques idées si vous êtes en banque d'inspiration, par exemple ça. Alors oui, ça tape un peu, c'est un peu intense. Ça s'appelle les Daft Punk. Mais vous pouvez demander, il n'y a pas de limite. On écoute toute la musique que vous avez envie d'entendre, peut-être. Plutôt du rock, les Black Sabbath. Ça c'est pour la partie rock, pour la partie électro, il y a Taiga. Si vous êtes chanson française, on prend aussi. Si vous avez envie d'écouter de la valse, de la musique classique, on prend tout. Vous choisissez vivaforlife.be et 0830 007. L'équipe au call center vous attend. Il faut saturer les lignes, faites-nous péter le standard. Aujourd'hui, autour du cube de verre de Viva for Life. Rendez-vous dès 18h30 pour participer à l'émission télé en direct sur la Une. Et ensuite, le podium de la place de la Digue à Charleroi accueille Loïc Noté, Heaven, France Govart, Alison Derouz. Venez les applaudir et soutenez Viva for Life, la musique a du cœur. Partageons-la en live. Vivacité présente Viva for Life volume 3, la double compilation avec toute la musique de Vivacité. Louane, Florent Pagny, Ozier, Ed Sheeran, Grégory Lemarchal, Cœur de Pirate, Daniel Balavoine, Omi. Viva for Life volume 3, 40 titres. La compilation qui a du cœur au profit de Viva for Life, en vente partout et sur la boutique RTBF. Alors Luc, t'as trouvé le cadeau pour ta femme? Évidemment, sur Localizy, j'ai trouvé les produits qu'elle aime en 3 clics. Localizy.com. Localizy.com. Chérie, tu as envie de foie gras Noël? Oh oui! Et on pourra même en manger au Nouvel An. Écoute ça. Chez Intermarché, à l'achat de 2 blocs de foie gras de canard avec morceaux 200 grammes Guillaume Dunois, le deuxième est à moins 50% grâce à la carte de fidélité. Vous aussi, fêtez plus, dépensez moins. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Et nous retrouvons le Père Noël en direct de son chalet. Ho ho ho! Je viens de découvrir le folder Krefel Idées de fête. Je n'ai jamais vu autant d'idées cadeaux à des prix si intéressants. Alors un conseil, prévoyez des petits souliers. Pointure 48, j'arrive! Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Vous aussi, vous rêvez d'un smartphone super tendance? Bonne nouvelle! Abonnez-vous aux journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale pour seulement 27 euros par mois. Lisez les 14 éditions chaque jour et recevez un smartphone dernier cri. N'hésitez pas, rendez-vous sur partouttoutletemps.be. Encore une exclusivité. Sud Presse. On vous retrouve avec Michel Blouberg pour un point RTBF Mobile Info. Que se passe-t-il? Dites-nous tout. Eh bien, on a un camion en panne sur la nationale 25 Nivelles-Corbeil à hauteur de Genappe. La bande gauche est neutralisée en direction de Corbeil. Quelques ralentissements en zone de chantier sur le 40 Bruxelles-Aix-La Chapelle en direction donc de l'Allemagne. Et des embarras de circulation dans le centre de Liège en cause le marché de Noël. Attention à ce risque de chute d'arbres sur la 602 Chenier-Loncin à hauteur d'Anse en direction de Loncin. Radar sur le ring intérieur de Bruxelles, entre Halle et Reusbrook vers Grand Bigard, et puis toujours des embarras de circulation à Charleroi pour la bonne cause, et je pense que Loïc Noté n'y est également pour quelque chose. Effectivement, Loïc Noté qui sera ici tout à l'heure sur la scène de la place de la Digue, ce sera aux alentours de 18h. Showcase de Loïc Noté qui fait l'immense effort de venir ici à Charleroi soutenir Via for Life la veille de la finale de Danse avec les Stars. Les embouteillages vous font bouillonner? Ça ira mieux autour d'une bonne fondue. La viande est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for Life. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. Mm-hmm. night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. Earring avec Red Our Love à l'instant. C'est Joël de Rochefort qui a donné 50 euros pour écouter ce titre là. Merci beaucoup à vous Joël, on ajoute au montant et elle nous a laissé un petit message. Titre choisi par Nostalgie des années 60-70 et cela ne nous rajeunit pas. Étant accueillant d'enfants depuis bientôt 31 ans, je suis très sensible à la cause que vous défendez et mon mari et moi vous admirons pour votre dynamisme et votre sympathie. Ben nous on vous admire parce que vous faites 31 ans de famille d'accueil, c'est génial. On en parlait justement tout à l'heure avec Bénédicte Duval et Maxime Paquet qui étaient avec nous. Et les dons continuent bien sûr, 0830 007, vous faites vos demandes de chansons et on vient d'atteindre la 8000e demande. Merci à vous Jean-Marc au call center. Est-ce que ça bosse ouais. bien? Est-ce qu'il y a assez ouais. d'appels? Oui, oui, oui, non, pas suffisamment. Il y en a beaucoup, mais pas encore assez. Et je suis fatigué. J'ai embrassé tout le monde. C'est bien, c'est bien. J'ai fait tout le plateau ici. J'ai lancé le défi tout à l'heure à Jean-Marc de faire le tour voilà. de tous les bénévoles pour les remercier et de leur faire un gros bisou. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu mon défi. Maintenant, je vais donner un défi. Enfin, je vais de leur donner. Donc, ils sont en train de préparer ça. Le défi aux bénévoles. Ils vont nous faire une chanson. C'est vrai que non seulement on peut demander une chanson en appelant 0800 30 007, mais également on peut acheter la double compilation Viva for Life avec pas mal de titres dessus comme Marina Kaye, il y a Grand Georges, il y a Ed Sheeran, il y a Julien Clerc, les Cats and Twins. Et puis, la chanson de Zazie. Alors en face de moi j'ai Elodie et j'ai Philippe qui sont, voilà c'est parti, ils chantent. Sur la terre en toutes saisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toutes saisons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Très belle chanson, vous pouvez les applaudir. Je pense qu'on peut les applaudir ici dans le call center. Exactement, ils le méritent. Voilà. Vous pouvez les inscrire à The Voice pour l'année prochaine. Bravo. Ben oui, c'est ce que je comptais faire, tenez. Oui, oui, tout à fait. Voilà, Jean-Marc, on rappelle le message, 0800 30 007. Il faut nous appeler et demander à un bénévole de nous dire pourquoi il faut appeler. Que ce soit un bénévole qui décroche le téléphone et qui nous dise à quel point c'est important. Elodie, venez près de moi, Elodie. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument appeler le 0800 30 007? Pour faire des dons, pour donner votre argent, votre générosité et faire preuve vraiment d'humanisme et de montrer que vous aussi vous êtes là pour soutenir Viva for Life, vous aussi vous êtes là pour soutenir les enfants en pauvreté et vraiment leur famille, tout ce qu'on peut mettre en place pour eux et voilà. Soyez des hommes, soyez aimables, soyez généreux, soyez vous.

Ça a été demandé par Emeline de Namur. Alors vous le savez, les petits dons additionnés, ça va faire un gros montant à la fin, mais les gros dons additionnés, ça va nous aider aussi à dépasser les 2 100 000 euros de l'année dernière. Et grâce à Emeline, c'est 500 euros qui rentrent dans la cagnotte Viva for Life. Bravo Emeline, merci. Alors elle a laissé un petit message en disant: après avoir effectué mes achats de cadeaux pour mes enfants et petits-enfants, les enfants ne se rendent pas compte. Quand on a tout, ne comprend pas ce que, quand on a tout, on ne comprend pas ce que c'est de n'avoir rien. C'est un beau message. N'hésitez pas à faire comme elle et à faire un don. Alors 500 euros, c'est beaucoup. Si vous ne pouvez pas faire 500 euros, bien évidemment, on accepte les plus petits dons et les plus gros dons aussi. Tous les dons additionnés vont faire qu'on va pouvoir aider ces familles. Les enfants entre 0 et 6 ans sont beaucoup trop nombreux vivent dans la pauvreté, c'est 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie. 0800 30 007 pour faire vos dons, allez-y, faites-le maintenant. On écoute une nouvelle chanson dans un instant, ça a été demandé par Isabelle de Ytre, elle a donné 50 euros, on les ajoute, on écoutera Chaka Punk dans un instant, mais avant il y a de la visite dans ce cube Viva for Life. Il y a qui? La porte va s'ouvrir? La porte ne s'ouvre pas, ont-ils trouvé le chemin du cube? Alors c'est la visite d'Eric Strulens et de Tom et Gilles Beaune qui ont mis aux enchères leur cross de hockey. Alors vous êtes impressionnant, vous êtes grand déjà. Je n'ai rien fait de mal, monsieur. Faut pas, hein? Faut pas. Alors prenez chacun un micro. Peut-être mettez-vous autour de la table parce qu'il y a des micros qui sont tombés en panne entre temps. Les micros fatiguent aussi à être aussi longtemps à l'antenne. Alors bonjour Eric. Vous êtes un sportif reconnu dans la région de Charleroi et ailleurs bien évidemment. Le sport, c'est important pour les enfants? Oui, je crois que c'est quelque chose de très important pour les enfants. Je crois que c'est une base. Je trouve que chaque enfant pourrait faire du sport. C'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde, mais je crois que c'est très important dans la vie normale, surtout maintenant, de pouvoir faire du sport, ne fût-ce qu'une ou deux heures par semaine, ça fait très bien encore. Mais c'est ne fût-ce qu'un contact avec d'autres enfants, avec d'autres familles, ça sociabilise et ça permet de grandir, de se construire. Et les enfants entre 0 et 6 ans en ont besoin. À propos de sport, je vais faire une petite parenthèse avec Samuel Grulois qui fait partie de l'équipe de la RTBF, qui nous a envoyé un petit message, puisque avec son club de judo, il vient de faire un don de 300 euros via le site internet viaforlife.be. Merci beaucoup Samuel. Alors c'est 300 euros qui ont été récoltés grâce à l'investissement de tous les membres de ce club de judo et beaucoup d'enfants, certains eux-mêmes dans la difficulté, voire dans la pauvreté, parce qu'ils sont dans un quartier populaire de Tournai. Et alors, à leur manière, ils voulaient essayer d'aider chaque semaine grâce au sport les enfants de la région. Et donc, il dit espérer que ces quelques euros pourront aider d'autres un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci beaucoup, Samuel, et merci à ton club de judo, à tous les enfants qui ont participé, qui ont récolté ces 300 euros. Alors, il y a également Tom et Gilles Beaune qui sont là. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Vous avez mis aux enchères vos crosses de hockey. Alors parlez bien, mettez bien le micro près de la bouche. Oui, c'est ça. On a mis, Tom a mis un stick et moi j'ai mis un de mes sticks aussi aux enchères il y a de ça quelques jours. Voilà. Et ça se finit ce soir. Donc si vous voulez absolument les avoir, ces sticks de hockey, vous devez enchérir sur vivaforlife.be, sur deuxièmemain.be. Alors vous, c'est plutôt hockey sur gazon? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait du hockey sur glace pendant super longtemps. Alors, pendant la pause, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un petit battle, on va se faire un petit match ici dans le cube. Ça vous va? Ça marche. Bon, on va faire ça. Merci en tout cas, tous les trois, de vous mobiliser pour Viva for Life et de vous défoncer, en fait, hein, tout au long de l'année, puisque vous soutenez Viva for Life, mais la cause des enfants, ça vous parle aussi, Tom et Gilles? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui nous touche et voilà, on voulait absolument se mobiliser et donner un tout petit peu de notre temps pour essayer de donner un tout petit peu à cette très belle cause. Et on est ravis d'être ici aujourd'hui. Eh ben, c'est très sympa d'être passé. On a combien de crosses au total? Je vois qu'il y en a trois là sur la table. On a encore, il y en a encore d'autres un peu plus loin là-bas. On va se faire un match tous les quatre pendant la pause. Eric, tu fais du hockey avec nous? Ah oui, vu ma taille, ça va être facile. Oui, ça.

de Chaka Pong à l'instant sur Vivacité. C'est Via for Life que vous écoutez. Et il y a beaucoup de défis dans Via for Life. Virginie Van Quali fait tous les jours un point sur ces défis. Bonjour Virginie. Bonjour Cyril. Alors tous les jours on a fait un point sur ce qui se passait un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. Aujourd'hui on va un peu changer les habitudes. Exactement, puisque dans 26h18 minutes et 50 secondes, eh bien il restera, ce sera la fin. Donc là il reste dans 24h. Donc on entame la dernière ligne droite. C'est pourquoi c'est notre tour maintenant de vous mettre au défi. Plus que jamais, il va falloir donner. Il faut faire mieux que l'année dernière si l'on veut venir en aide à ces 80 000 enfants de 0 à 6 ans qui vivent chez nous dans la pauvreté. Et pour ça, plusieurs solutions s'offrent à vous. Venez nous rejoindre ici, place de la Digue, pour mettre de l'argent dans la boîte à dons. Si vous venez fin de journée aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à participer au défi que l'émission télé vous prépare, puisque Jean-Michel Sève, Eric Strulens, Tom et Gilles Beaune qui sont ici seront présents pour une séance de dédicace en échange de dons. C'est important, c'est une chouette manière aussi de participer. Achetez des goodies Viva for Life ici, place de la Digue, ou via la boutique RTBF, www.vivaforlife.be. Tant que vous êtes sur le site de Viva for Life, profitez-en aussi pour commander votre musique. Cliquez sur Faites un don et choisissez la musique que vous voulez entendre, que vous désirez partager. Si vous n'êtes pas trop web, c'est pas grave. Vous pouvez envoyer aussi un SMS au 4001. Tapez votre numéro de compte suivi d'un espace suivi du montant de votre don. Pour rappel, Cyril, l'année dernière, on avait récolté quand même 2 103 404 euros qui ont permis de venir en aide à 51 associations. Cette année, c'est 144 associations qui ont remis un projet auprès de Viva for Life. Ça veut dire qu'on a besoin de récolter encore beaucoup plus pour aider un maximum ces associations et derrière elles, évidemment, les enfants qui en ont besoin. On a donc besoin de vous, de vos dons. N'oubliez pas que chaque don, c'est une aide concrète aux enfants qui sont dans la pauvreté chez nous. Exactement. Et on rappelle donc qu'il y a tout à l'heure Jean-Michel Sève qui sera sur la place de la Digue. Tom et Gilles Beaune également qui seront là pour des séances de dédicace en échange de dons. Et à propos de dons, pendant le journal de 17h, on va faire un défi dans le cube. Ils m'ont lancé un défi, faire un maximum de jongles avec la crosse de hockey et une balle de hockey sur gazon. À chaque jongle réussi, c'est un don qu'ils font pour Viva for Life. On en reparle après le journal de 17h. Là, c'est la météo de Nicolas. Attention, grêle de bonnes affaires. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Bonne fin de journée à tous. Cette nuit sera encore bien douce avec des minima de 6 à 10 degrés, mais toujours assez venteuse avec des rafales de sud-ouest jusqu'à 60 km à l'heure. Demain, on devrait retrouver des éclaircies plus larges qu'aujourd'hui. Pas difficile, me direz-vous, mais dans un ciel partagé entre nuages éclaircis, les averses seront plutôt rares et les températures seront encore douces, même si elles baissent un peu par rapport à aujourd'hui. On attend de 8 à 13 degrés. On devrait retrouver jeudi d'abord de belles éclaircies, puis ensuite un passage pluvieux dans la nuit de jeudi à vendredi pour se retrouver le jour de Noël avec un temps assez gris et des maxima de 8 à 12 degrés. Faites le plein de plaisir au... Plus de 100 magasins vous attendent tous les jours, même les jours fériés. À Pomerloc à 10 minutes de Bastogne, à Schmiede à 10 minutes de Wilsalm et sur knaufshopping.lu. Cette année, il y a de la magie en dessous de votre sapin. Faites toujours plaisir. Offrez un coffret cadeau du Château des Thermes de Chauxfontaine. C'est tellement facile de ne pas se tromper. Château des Thermes. Château des Thermes. Commandez sans tarder. Toutes les infos sur châteaudesthermes.be. Pour les fêtes, moi, j'aime quand il y a plein de bonnes choses. Ah, nous aussi, les bonnes choses, on aime quand il y en a plein. Un petit. Oh oui, monsieur Marc. Et c'est pour ça qu'on met plein de crevettes grises dans nos bonnes croquettes maison. Et en plus, elles sont faites à la main. C'est pour ça que ce sont de vraies croquettes maison. Sauf que bon, elles sont pas vraiment faites dans ma maison. Moi, j'habite toujours avec ma maman. Elles sont faites ici, chez Carrefour Market. Oui, on a compris, petit. On a compris. Vous êtes sûr ? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, nos croquettes fraîches de crevettes grises sont en 3 plus 1 gratuites. Vous les trouverez à la poissonnerie. Joyeuses fêtes ! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Au domaine de Senef, découvrez l'exposition Les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle. Tous les plaisirs sont dans la nature des jardins au siècle des Lumières. Venez les glaner jusqu'au 6 novembre 2016. Info châteaudesenef.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, Le Soir et la Nouvelle Gazette. Oui, Lemons. Ça, c'est le plus beau sapin à Noël que j'ai vu cette année. Oui. Mais elle est où l'étoile? Dis, on va pas se raconter des craques, hein. Quand on va servir le saumon tout à l'heure, on sait bien qui sera la vraie étoile de la soirée, hein. Oui, la sauce cocktail. Oui. La voilà. Sur une vraie table de fête, il y a rien qui brille plus que la sauce cocktail. De vos Lemons. À table. Oh. l'actualité vivacité, il est 17h. Voici les titres de l'actualité. Laissez tomber la grève et on négociera, le message du gouvernement au syndicat des cheminots. La discussion coince toujours sur les exigences de productivité. Les syndicats craignent pour la sécurité du rail. Vous l'entendrez, les franchissements de feux rouges sont en augmentation. Des radars qui flashent bien au-dessus de la limite autorisée en Wallonie, c'est un fabricant qui l'affirme. On a effectivement constaté qu'un certain nombre d'appareils étaient bridés à 150 à l'heure. Et quelque part, on se pose la question si c'est la bonne solution. La justice nuance et la police contestent les chiffres. Pas de mauvaise surprise si vous consultez un médecin conventionné. Il y a un accord médico-mutualiste pour 2 ans. Sébastien Joris nous dira pourquoi c'est important. Moucron reçoit Charleroi ce soir en Pro League. Le coach Carolo espère retrouver un état d'esprit de vainqueur. 2 milliards d'euros de cagnotte et des millions de joueurs. Les Espagnols attendent avec impatience leur grande loterie de Noël. Le journal est présenté par Jérémy Gilter. Bonsoir à tous. Le bras de fer continue entre le gouvernement et les syndicats des cheminots. Des syndicats qui exigent la désignation d'un démineur qui serait chargé de fixer le cadre des négociations sur la productivité du personnel des chemins de fer. C'est la condition de la CGSP et de la CSC avant de lever leur préavis de grève pour janvier. Condition rejetée aujourd'hui par le gouvernement fédéral. La ministre de la Mobilité, Jacqueline Galland, veut que les syndicats fassent le premier pas. Nous maintenons la décision, la proposition de vendredi, et donc dès que les grèves seront suspendues, les médiateurs et les conciliateurs pourront être désignés. C'est donc une fin de non-recevoir pour les syndicats ? C'est la proposition du gouvernement qui reste d'application. Ça ne va pas améliorer le dialogue social, tout ça ? Nous restons à la proposition du gouvernement. La fermeté de la ministre de la Mobilité, Jacqueline Galland, au micro de Pierre Magos. La menace d'une grève des trains reste donc d'actualité pour les 6 et 7 janvier, ainsi que pour les 21, 22 et 23 janvier. Le sujet qui fâche, c'est la question de la productivité du personnel. La CNCB envisage notamment d'allonger l'amplitude horaire des conducteurs de train. Les syndicats estiment que la sécurité du rail est en péril. Miguel Allo prend l'exemple du franchissement des feux rouges. Augmenter la productivité, voilà un des points essentiels présentés aux syndicats dans le cadre du plan de réforme de la SNCB. Un point qui inquiète Michel Abdissi, président national de la CGSP Cheminots, et notamment en matière de sécurité. La SNCB veut pour le moment, et ainsi qu'Infrabel au niveau des directions, augmenter les timings de travail. Et donc ce qui veut dire qu'un conducteur verrait son amplitude du temps de travail augmenter d'une heure. Alors qu'on constate déjà qu'à l'heure actuelle, et ici en 2015, le nombre de dépassements des feux rouges sera de 82, alors que l'année passée, il était de 55. Du côté de la SNCB, on ne nie pas l'augmentation des dépassements, mais on précise que tous n'ont pas eu lieu sur des voies principales utilisées par le transport de passagers. On constate par contre 21 dépassements d'un point dangereux, entendez un lieu critique comme un aiguillage ou un passage à niveau. Nathalie Pierrard, porte-parole de la SNCB. 21 cas, ça reste beaucoup, donc pour nous c'est encore trop, mais heureusement ce point dangereux n'a pas été plus dépassé que les années précédentes, sans doute grâce à l'équipement, notamment ETCS. Enfin, la SNCB rappelle que toute la flotte est aujourd'hui équipée du système de freinage d'urgence TBL1+. Quant au système ETCS, un système de contrôle en permanence de la vitesse du train qui devrait encore améliorer la sécurité sur le rail, il équipe aujourd'hui près de 20% du réseau. On devrait arriver à 100% en 2022. Les précisions de Miguel Allo sur la sécurité dans les chemins de fer. Des radars automatiques et débridés sur les autoroutes wallonnes. C'est un entrepreneur qui l'affirme. Les boîtiers sont volontairement réglés pour ne flasher qu'à partir de 150 km/h. Cet entrepreneur dirige la principale société qui fournit les radars fixes en Wallonie et il explique cette consigne par l'impossibilité pour les magistrats de traiter tous les PV. Des magistrats qui, eux, s'étonnent du chiffre avancé. La police de la route dément formellement. Catherine Tonnero s'est penchée sur le sujet. Michel Nizen est l'administrateur délégué de la société Syrien. Elle équipe la police de radars fixes, automatiques, des radars ensuite récupérés pour entretien. Et c'est de là que part le constat. On a effectivement constaté qu'un certain nombre d'appareils étaient bridés à 150 à l'heure. Et quelque part, on se pose la question si c'est la bonne solution. Une solution à la surcharge de travail que génèrent les PV dans les parquets. Des radars qui seraient réglés à 150 km/h à la place de 120 le jour, 172 km/h la nuit. Des chiffres que dément Michael Jonio, directeur de la police fédérale de la route. Ces radars, c'est bien la police fédérale de la route qui les règle, celle qui les gère sur autoroute, et je peux vous assurer que les vitesses ne sont pas du tout celles reprises dans les médias ce matin. De manière générale, sur nos autoroutes belges, nous travaillons avec des marges de tolérance largement inférieures à celles-là. En fait, une tolérance technique existe, ainsi que d'autres solutions pour désengorger les parquets. Et Christian de Valkener, procureur général de Liège, privilégie ainsi la technique des quotas de PV. C'est-à-dire de dire aux zones de police et à la police de la route, eh bien, vous avez des quotas de PV. Et donc, au-delà de ce quota, eh bien, nous ne traiterons plus au niveau des parquets parce que nous ne sommes pas dans la capacité de pouvoir les absorber. Ce qui permet de faire coïncider les constats des services de police avec la capacité d'absorption des parquets et d'éviter le sentiment d'impunité que peut engendrer un PV qui ne sera pas exécuté. Les explications de Catherine Tonnero avec Sofia Kotsoglou. Le travail a repris dans la plupart des prisons belges. Hier, les syndicats et le ministre de la Justice ont conclu un accord. Le texte porte notamment sur les pensions, les primes et l'habillement des agents pénitentiaires. Les gardiens ont suspendu la grève à Ittre, Andenne, Marche et Saint-Gilles. À Mons, par contre, le personnel continue de se croiser les bras. Il n'est pas satisfait de l'accord obtenu. Un accord sous le sapin, pari tenu pour le gouvernement fédéral. La NVA, l'EMR, le CDNV et l'OpenVLD se sont entendus aujourd'hui sur une série de mesures. On va en citer deux. L'augmentation du nombre de policiers sur le terrain, 2500 agents supplémentaires. Décision aussi sur la remise au travail des malades de longue durée. Le gouvernement confirme l'accord intervenu entre les patrons et les syndicats. En résumé, on ne sanctionne pas mais on responsabilise. Ça n'a pas été facile, mais les médecins et les mutualités ont trouvé un compromis. Ils ont signé un accord pour 2 ans, accord qui garantit la sécurité de tarif pour les patients qui consultent un médecin conventionné. Les honoraires médicaux, par exemple, ne seront pas indexés. Cet accord est considéré comme une réussite par toutes les parties. Sébastien Joris nous explique pourquoi. C'est une réussite selon les médecins et les mutuelles, parce que parvenir à un accord alors que le gouvernement a concédé très peu d'argent, c'était un véritable défi. Chacun a donc dû faire des concessions, mais l'accord est là. Il est important pour le patient car la sécurité tarifaire pour les 2 prochaines années est garantie. Autrement dit, le patient sait ce qu'il va devoir payer lorsqu'il ira consulter un médecin conventionné. Pas de mauvaise surprise possible. L'accord comprend également quelques nouvelles mesures. Par exemple, les suppléments seront interdits pour certaines prestations techniques, même lorsque les patients sont hospitalisés en chambre individuelle. Les suppléments d'honoraires constituent un vaste débat. Il n'est pas tranché ici, mais il est pris en compte et le travail va se poursuivre. Dans l'accord, on trouve aussi la poursuite du projet autour des postes médicaux de garde ou encore des mesures concernant l'informatisation des dossiers médicaux. Elle avait refusé d'enlever son niqab lors d'un contrôle d'identité. Le niqab, c'est le voile intégral que portent certaines femmes musulmanes. Stéphanie Jatto a été condamnée ce matin à 18 mois de prison ferme parce qu'elle s'était rebellée lors de ce contrôle à Jette en 2012. Elle avait notamment donné un coup de tête à une policière. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné ce matin son arrestation immédiate. Mais Stéphanie Jatto n'était pas à l'audience. Son avocate ne sait pas si elle est toujours en Belgique. Le procès de Bernard Westphal, repoussé de quelques mois, il devait démarrer en février, mais il ne commencera qu'en septembre devant la cour d'assises de Mons. Ce report est dû à des problèmes de traduction dans certaines pièces du dossier. L'information a été confirmée cet après-midi par le procureur général de Mons. C'était la plus célèbre des mères maquerelles de France et un fameux personnage. Madame Claude est morte hier à Nice, elle avait 92 ans. Elle a dirigé pendant 20 ans un grand réseau de prostituées de luxe et elle ne s'en cachait pas, que du contraire. Ça ne lui a pas toujours réussi d'ailleurs. Julien Geffredo revient sur le parcours de celle qui voulait rendre le vice joli. Son vrai nom était Fernande Grudet, mais elle restera connue sous celui de Madame Claude. Et en s'inventant un nouveau nom, elle s'invente surtout une carrière de proxénète. À partir des années 60, son entreprise de prostitution de haut vol s'impose en France, mais aussi à l'international. Le PDG de Fiat, le Shah d'Iran, des ministres, des hommes d'affaires, des têtes couronnées, des artistes, voilà la clientèle de Madame Claude. Et les tarifs, eux aussi, sont sélectifs. Environ 180 euros la demi-heure, 10 fois plus pour une nuit entière, voire beaucoup plus pour des week-ends entier ou des prostituées très demandées. Des décennies plus tard, Madame Claude en conserve une certaine fierté. Je ne me justifie pas, en aucune façon, j'assume totalement. Je donnais un service, et un service extrêmement difficile à ces jeunes femmes. Et puis, elles avaient des vies quand même très agréable, vous savez. Il y a des hauts et des bas dans ce métier, mais on enlève les bas, c'est tout, les bas, tout point de vue. Des bas, Madame Claude en connaît à la fin des années 70. Le proxénétisme est réprimé et elle est poursuivie par le fisc. Après un exil aux États-Unis, un passage par la case prison en France, elle reprend son activité. Elle est de nouveau incarcérée en 92 avant de prendre sa retraite sur la Côte d'Azur où elle s'est éteinte hier. Petite séance de maquillage à deux jours du réveillon de Noël. C'est une période chargée pour les esthéticiennes et pourtant l'une d'elles a décidé de donner un peu de son temps aux réfugiés. Elle a invité des femmes venues d'Afrique et d'Asie à se faire maquiller. C'était au centre Caritas de Wavre en Brabant Wallon il y a quelques jours. Sonia Boulanger a assisté à l'une des séances. Ce qui est bien, les yeux, ils sont en amande et donc on va juste un peu plus accentuer. Viviane Betnarek est esthéticienne depuis de nombreuses années. C'est elle qui a offert ce service aux femmes réfugiées. Et la séance se révèle bien plus riche qu'elle ne le pensait. Donc pour moi, travailler avec des peaux de type africain est une grande première. Pour moi, justement, c'est un apprentissage et donc c'est un bel échange. Je rends Madame belle et moi j'apprends en même temps. Voilà, même après 20 ans d'expérience. Vous verrez. Un trait d'eyeliner par-ci, un peu de blush par-là, et en moins d'une demi-heure, Sanayetz, venue d'Éthiopie, affiche un vrai sourire. Oui, c'est Noël, je me fais maquiller et je veux juste dire merci. Ce n'est bien sûr pas le moment de leur rappeler les souffrances endurées avant leur arrivée en Belgique. Leur isil risquerait de couler et de gâcher cet après-midi. Alors on prend la pause et l'on repart vers son logement, fière de se sentir femme et belle. Souvenir pour moi. Ok. Un reportage de Sonia Boulanger lors d'une séance de maquillage pour les réfugiés à Wavre. Un derby ennuyé ce soir en Pro League. Moucron-Perrué accueille Charleroi. C'est ce qu'on appelle un match d'alignement. Un match qui avait été annulé le 22 novembre à cause de la menace terroriste. Moucron va tenter de décrocher une première victoire à domicile depuis plus de 3 mois. Et Charleroi espère aussi gagner ce soir pour se rapprocher du top 6, mais surtout pour retrouver un mental de vainqueur, explique le coach Carolo Felice Mazzu. Ce n'est pas sur des bases de qualité, c'est surtout sur des bases d'état d'esprit, de mental et peut-être de doutes qui s'installent pour le moment au fur et à mesure qu'on avance dans un match et c'est ces doutes-là qu'on doit gommer. Moi, je n'ai pas envie de parler d'objectifs de play-off quand on voit la manière dont on a évolué pendant 40 minutes contre Louvain. Est-ce que c'est judicieux de parler de play-off ? Au fond de nous-mêmes, c'est sûr qu'on a envie d'y arriver, que tout le monde a envie d'y arriver. Maintenant, voilà, quand on traverse des périodes comme celle-ci, ça devient difficile. Le coach du Sporting de Charleroi, Felice Mazzu, au micro de Luciano Arcangeli. Moucron-Perrué et Charleroi, c'est ce soir à 20h30. Ça fait 10 ans que le Tour de France n'est plus passé par l'Allemagne. Eh bien, en 2017, il partira de la ville de Düsseldorf. Une façon de saluer le retour à l'avant-plan du cyclisme allemand. Marcel Kittel, André Greipel, Tony Martin notamment. Une manière aussi de marquer la reprise l'an dernier des retransmissions télévisées en Allemagne. Reprise après plusieurs années de boycott. La télé publique allemande avait décidé de ne plus diffuser le Tour vu les nombreux scandales de dopage. C'est la plus grande cagnotte, la plus grande loterie au monde. Elle a lieu chaque année en Espagne, à quelques jours de Noël, avec une cagnotte astronomique, 2 milliards d'euros. Un événement très populaire. 3/4 des Espagnols y participent, Alison Delpierre. Des millions d'Espagnols retiennent leur souffle, comme tous les 22 décembre. Aujourd'hui, c'est le tirage au sort de la grande loterie de Noël. La cérémonie est diffusée en direct et dure pendant des heures. Alors que des enfants chantent les numéros. 1 950 000 euros. Le butin est impressionnant. Plus de 2 milliards d'euros sont en jeu. Les Espagnols espèrent tous avoir un ticket gagnant. Ils l'achètent généralement à plusieurs, en famille, entre amis ou entre collègues. Il faut compter 200 euros par ticket et le premier prix s'élève à 4 millions d'euros. Je viens déjà depuis 4 ans et chaque année j'ai un autre costume. Cette fois j'ai choisi de me déguiser en boule de loterie pour porter chance à mon numéro et peut-être gagner. Je suis ici depuis 3 heures du matin. Et c'est la première fois que vous venez ? Non, c'est déjà la 4e fois. Surnommé El Gordo, soit le gros lot, cette loterie est une véritable institution en Espagne depuis plus de 200 ans. Cette année, c'est même le géant Pixar qui a réalisé le spot publicitaire. Voilà pour cette plus grande loterie du monde. Il est bientôt 17h15 sur Vivacité. Vous écoutez Viva for Life. Anne-Michel Blouberg, RTBF Mobile Info, y a-t-il des problèmes à signaler à 17h15? Eh bien, toujours un petit peu plus de circulation sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle dans le chantier de Cherat vers l'Allemagne, ainsi que des embarras de circulation sur la Nationale 671, probablement dû toujours au marché de Noël. À noter également quelques fils sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure, entre Zaventem et Diegem vers Grand Bigard. Et puis important, un automobiliste signale un radar sur le ring 3 de Charleroi. On lève donc le pied pour vous rejoindre entre Trazegnies et Fontaine-l'Évêque. Plutôt que s'échauffer sur la route, mieux vaut se réchauffer autour d'une raclette. Le fromage est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre portefeuille, c'est d'acheter vos cadeaux chez Cora. Des fêtes comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Viva for life. Viva for life. Avec Cyril. Et avec vous toutes et vous tous qui faites vos dons, bien sûr, 0800 30 007, c'est le numéro de téléphone. Et attention, attention, on a vraiment besoin de vous. Il y a 80 000 enfants à Bruxelles et en Wallonie qui comptent sur vous. C'est des enfants qui n'ont pas toujours des repas tous les jours, pas toujours les trois repas par jour. Quand je vous dis ça, on a des statistiques. Alors, c'est horrible de parler de statistiques, mais à un moment, ça doit vous concerner. Si vous n'avez pas encore fait votre don, pensez-y. Il y a un enfant sur 10 qui ne prend pas trois repas par jour. Vous imaginez quel problème ça peut faire? C'est des enfants qui parfois ne peuvent pas aller à l'école simplement parce que les parents n'ont pas les moyens. Vous imaginez que, évidemment, ce n'est pas possible en 2015 d'être dans cette situation-là. Et tous ensemble, en serrant la main, tous ensemble, en faisant un don, on peut y arriver. Si tout le monde donne un petit peu, on pourra faire bouger les choses. Si tout le monde donne beaucoup, bah là, on arrivera à faire des grandes choses. Grâce à vous, on peut y arriver. On compte sur vous. Et on sait que vous êtes généreux. On sait que vous vous mobilisez. Les Carolos sont ici présents sur la place de la Digue à Charleroi. Et au téléphone, ça sonne beaucoup. Mais vous pouvez encore saturer les lignes 0800 30 007 pour choisir la musique, pour faire vos dons. Ça peut partir dans tous les sens, faites-vous plaisir. Il n'y a pas de, il y a aucun titre, on va dire, bah non, ça on peut pas le passer. Vous faites vraiment plaisir, vous choisissez la musique que vous avez envie de partager parce qu'elle a du cœur cette musique. Si vous voulez faire votre don par SMS, ça marche aussi. 4001, vous envoyez votre numéro de compte, un espace, le montant que vous voulez donner. Le numéro de SMS est gratuit, c'est le 4001 et vous recevrez une confirmation qui vous dira que tout s'est bien passé. Et sinon, le bon vieux virement bancaire, ça marche, BE35. 8 x 0, 37, 37, on compte sur vous. Pauline de Hondelange, elle a donné 60 euros, 80 euros même, pour pouvoir écouter la chanson qu'elle a envie de vous partager. Cette chanson, c'est celle de Kali, 1000 cœurs debout, qu'on écoute pour démarrer cette nouvelle heure de Viva for Life. Viva for Life. Quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tue-tête à l'amour qui revient, couronné de lauriers, nous sommes des milliers. En fave extraordinaire, notre force est sublime, elle emportera tout. Et si c'est encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages. C'est écrit sur les rides de nos pères, ivres de fierté. Ils n'ont rien lâché, jamais. Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or. Et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors. Je te prendrai la taille et puis nous coûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers en flamme extraordinaire. Notre force est sublime, elle emportera tout. Et si j'essaie encore, ils se frapperont à mille cœurs de beau. Est-ce que tu entends?

Passage Le Monnier au cœur de Liège. Liquidation totale avant déménagement chez Timistère à Herve. Moins 30% sur toute la collection hommes et moins 40% pour les femmes. Dépêchez-vous. Ouverture les dimanches 27 décembre et 3 janvier. Timistère, Outrecours à Herve. Dans un instant, Rapid Children qui a été demandé et c'est de l'argent qui rentre grâce à Raymond de Houtain-le-Val. Raymond, il a donné une belle somme, 150 euros. Merci beaucoup Raymond. On va faire un point avec Benjamin Maréchal sur le défi. Tous les jours, Benjamin a une mission qui lui est donnée. Et pendant le direct en télé entre 18h30 et 19h20 sur la Une, on fait un point, on vérifie si le défi est réussi. Aujourd'hui, vous êtes à Liège et alors, il y a un petit garçon qui est passé tout à l'heure pour vous, Benjamin. Il y a un moment, vous étiez en recherche d'une chèvre. Il y a Nicolas Simon qui est arrivé. Je vous montre pour ceux qui sont sur Live Center et sur Télécembre. Il vous a dessiné une chèvre, rien que pour vous, Benjamin. Quand vous reviendrez ici sur la place de la Digue, on vous donnera le dessin. Comment se passe le défi ce soir? Ah, c'est super, Mimi. Merci pour la chèvre. Est-ce qu'on a trouvé une vraie chèvre comme animal de compagnie? Ben, vous le saurez tout à l'heure en regardant la Une télé dans l'émission Viva for Life. Alors, pour tout vous dire, Cyril, c'est très, très, très, très chaud. Donc, on est au pied de la Grand Roue sur le village de Noël de Liège. Et les menuisiers bénévoles qui sont venus nous construire un cube de 4 mètres sur 4, puisque nous allons enfermer les vrais, les seuls animateurs de Viva dans un cube qui serait installé à Liège. Eh bien, il y a 3 minutes, les menuisiers viennent de poser la toiture et de finir la structure. On est en train à toute hâte d'installer un tapis à l'intérieur. On va maintenant avec l'équipe, je vous rappelle qu'on n'est que 6. On va essayer de décorer ce cube pour qu'il ressemble le plus possible à celui que vous avez à Charleroi. Et donc tout à l'heure, en direct à la télé, nous répéterons votre sortie de demain. Comme ça, vous aurez une idée, les gars. Cyril, Sébastien, Sarah, vous aurez une idée de ce qui va se passer pour vous demain. On aura également ma reine Zazie qui sera là. Donc si vous êtes dans les environs de Liège, rendez-vous ici à partir de 18h, car ma reine Zazie, la vraie, pas celle que vous aurez à Charleroi, la vraie sera ici. Ouais. Et donc il nous reste très très peu de temps pour être prêt pour le direct. Il faut que tout soit en place à 18h30, y compris avec des répétitions. Et pour l'instant, c'est le moment, je vous l'avoue, où l'équipe a la trouille, parce que le reportage sur notre journée n'est pas encore monté, il n'est pas encore terminé. Donc il y a encore une tonne incroyable de trucs à faire dans l'heure qui vient. Et concrètement, est-ce qu'on peut encore vous aider, Benjamin? Alors là, maintenant, c'est le moment du rendez-vous. Vous venez à partir de 18h au pied de la Grand Roue pour qu'il y ait un maximum de public pour assister à votre sortie. Et vous verrez que les sosies que nous avons trouvées, Cyril, le vôtre, vous ressemble comme deux gouttes d'eau. J'ai hâte. Sarah, c'est confondant. Si notre Sarah de Padua tombe malade, on a une remplaçante au pied levé. Et alors Sébastien Nolvo, c'est bien simple. J'ai cru que le vrai était ici et qu'on vous avait refilé une pâle copie. Donc... Et vous alors surtout, Benjamin, vous serez le sosie d'Anne-Laure. Alors je suis allé, c'est David Jean Motte, qui est un relooker professionnel, nous a rejoint. Il est allé avec moi au CA, oups, je l'ai dit, pour trouver une tenue qui est dans le style d'Anne-Laure, c'est-à-dire un peu sophistiqué, à la fois chic mais simple. Donc je pense qu'on est exactement dans le ton et dans le style. On suivra ça tout à l'heure, 18h30, 19h20 sur la Une. À tout à l'heure, Benjamin. À tout à l'heure, Cyril. 150 euros qui sont rentrés dans la cagnotte Viva for Life grâce à cette demande de musique par Raymond de Houtin-Leval. Si vous aussi vous avez de la musique à partager, la musique a du cœur et on la partage ensemble pendant encore 25 heures 43 minutes et 43 secondes. Vous avez un numéro de téléphone à composer, 0800 30 007 pour faire vos dons. On compte sur vous. Alors que Sébastien vient de se réveiller, de se lever, ça va, tout va bien, t'as passé une bonne nuit? C'est bizarre de dire ça, cette heure-ci. Mais il fait noir dehors. C'est vrai. Ouais, reposé, prêt. Ouais, c'est bien. Allez, parfait. Bah, chaud boulette. Dès 18h, tu prends le relais. Tu sais qui vient nous voir dans quelques secondes? Non, qui ça? Alice on the Roof. Non, tu déconnes. Je te jure. Tu déconnes. Dis-moi pas que c'est pas frais. La tête de Tata, elle est là juste après. Deleuze présente les tables de Noël de toutes les familles. Aujourd'hui, la parole est à Georges. Moi, à Noël, je prépare des petits toasts au saumon que je rehausse d'une tranche d'oignon rouge, de citron et de cavre. En plus, chez Deleuze, jusqu'au 24 décembre, le saumon norvégien élevé en fjord est au prix exceptionnel de 5,99€ les 8 tranches. Deleuze, bien acheté. Bien fêté ! Offrez des fleurs, c'est du bonheur. Pour que les fêtes soient plus belles, j'offre des fleurs naturelles. Alors pour Noël et l'année nouvelle, je prévois des brassées de roses, de frésia, de lys et d'amaryllis achetées chez mon fleuriste. Pour les fêtes, faites comme moi, pensez fleurs. Sélection, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour échanger un cadeau de Noël. Oui, mais Noël, c'est pas encore passé, monsieur. Oui, mais chaque année, ma famille m'offre un sèche-cheveux, vous comprenez, parce que je suis chauve. Ah, ils trouvent ça drôle. Oui, non, c'est pas drôle. J'imagine que vous préférez recevoir Des verres à whisky, évidemment, ou une smartwatch. Bah oui, par exemple. Bah, choisissez le cadeau de vos rêves sur myselection.be et nous, on s'occupe d'en informer votre famille. Là. Vous feriez ça? Oui. Mais c'est super. Et des perruques, vous avez ça, des perruques? Vous vous moquez. Sélection, meilleur et pas plus cher. Boire un vin rouge dans un chalet au plaisir d'hiver ou voir la vie en rose dans les boutiques du centre-ville, les fêtes seront colorées à Bruxelles. Rejoignez le centre avec la STIB. Et le soir du nouvel an, c'est gratuit pour tout le monde. Découvrez les destinations les plus festives sur fêtes.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Viva for Life. Cette semaine, Flair soutient Viva for Life et donne la parole à de jeunes mamans célibataires. La précarité, elles connaissent et la défient chaque jour. Flair, il faut le flair. Tu sais pas ce que je pourrais offrir pour l'anniversaire de ma femme? Va sur localisi.com, tu y trouveras tous les produits qu'elle aime. Ah oui, ce site avec tous les commerçants de notre région. Oui, et avec toutes leurs offres spéciales et avis de la communauté Localisi. Allez, j'y vais. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. RTBF Mobile Info tout de suite, Anne-Michel Vlauberg. Que se passe-t-il? Ça coince encore? Anne-Michel, êtes-vous là? On a perdu Anne-Michel. Je vais faire l'inforoute. Mais alors, dis-nous ce qui se passe. Alors, en dessous du sillon sans brimeuse, tout se passe relativement bien. Quoique, on n'est peut-être pas au courant. Sinon, le reste, si vous êtes dans les embouteillages, bonne chance. Bah, si vous êtes dedans, vous le savez, de toute façon, voilà. Ben, courage. Pas besoin de vous le dire. Et vous les connaissez, c'est tous les jours les mêmes. Anne-Michel, vous êtes de retour? Je suis là, oui. Ah, je me suis trompé, grosso modo, c'est ça. Hein. Oui, on va dire ça, un petit peu. Alors, il se passe quoi? Eh bien, on a une congestion de trafic assez importante dans une le centre. Congestion, oui. Ah, oui. Fallait le placer, congestion. Ouais, c'est pas mal, ça. Dans le centre de Liège, dû au marché de Noël, c'est pour les retardateurs. Un camion en panne, toujours sur la Nationale 25, Nivelle Corbet, hauteur de Genappe. La bande de gauche reste neutralisée en direction de Corbet. Du côté de Bruxelles, une circulation un petit peu plus dense en extérieur, entre 21 et Digame et à hauteur de Wemel vers Grand Bigard, ralentissement habituel sinon dans la capitale sur la petite ceinture. Et puis un automobiliste nous rappelle ce radar sur le ring 3 de Charleroi pour arriver jusqu'à vous. Et bien on lèvera le pied entre Trazegnies et Fontaine-l'Évêque. On fait un gros sourire. Bah oui, exactement. On peut. Dites à Michel, un marché de Nolwell, c'est Nolwell Leroy qui fait du vin chaud, qui elle vous vend ça, crêpes. C'est ça. De Noël. C'est très bien, vous le dites bien. Noël, à tout à l'heure, Michel. Noël. Plutôt que s'échauffer sur la route, mieux vaut se réchauffer autour d'une raclette. Le fromage est au meilleur prix chez Intermarché. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Viva for Life! Viva for Life! La musique a du cœur. Jusqu'à 18h, partageons-la avec Cyril. Et avec nos invités qui viennent nous voir régulièrement dans l'émission. Coucou. Et c'est Alice on the Roof qui rentre dans ce studio de verre. Bah oui, bah elle est rentrée. Elle est déjà là. Bonjour, bienvenue Alice on the Roof. Salut, comment ça va? prends alors, un casque si tu veux. Bah oui, installe-toi, t'es à la maison dans ce cube de verre. Il y a du monde qui est là pour venir te voir ce soir quand même. À fond, à fond. Le succès de malade. Alors, ton micro ne fonctionne pas, je pense. Oui. Ah, allô, voilà, ça y est, on t'entend, voilà. Parfait. On a des soucis de micro depuis le début. Il reste 25 heures, il y a tout qui commence à se déglinguer. C'est pas très grave. Petit à petit. Et nous-mêmes, on se déglingue aussi. On est comme le matos, on se déglingue aussi. Ouais, tu viens de pas super loin d'ici, de Mons, c'est quoi, 40 minutes? C'est chouette pour moi de venir jusqu'à Charleroi. Ouais, c'est 20 minutes d'ici à Mons. Ça change de l'habitude parce que tu tournes beaucoup en ce moment, t'as encore un peu de temps pour toi? Ça, hein, New York, tout ça. c'est difficile. Chaud, mangis tout. C'est ça. Le monde entier, quoi. Et t'as un planning hyper chargé, malgré tout, tu prends quelques heures pour venir ici à Charleroi pour Viva for Life. Pourquoi tu te mobilises pour la cause Viva for Life? Alors, super important pour moi parce que j'ai deux passions dans la vie. L'une, c'est la musique. Ouais. L'autre, c'est les échecs. Non, je fais. C'est l'enseignement. Et je me dis qu'est-ce qui se passe. J'ai raté un truc. Non, l'autre, c'est l'enseignement. Et dans ce cadre-là, évidemment, je rencontre beaucoup d'enfants venus de toutes parts, dont des enfants qui sont élevés dans des cadres défavorisés. Mmh, ouais. Et je dois dire, vraiment, des observations du terrain. Ça se voit tout de suite, ces enfants qui ont moins de chance que les autres. Parce que. Quand tu dis ça se voit, il y a un exemple. Sont exclus, en fait. Ouais. J'ai pas de chiffres et je ne sais pas si. Mais exclus quoi dans la cour de récré, on voit clairement. Par rapport aux autres enfants, très souvent, en tout cas de ce que j'ai pu voir, les autres enfants le sentent et il se passe un truc qui fait qu'ils sont rejetés, quoi. C'est pas cool. Et puis en dehors du fait d'être rejeté dans la cour, si tu parles d'enseignement, c'est que l'enseignement, ça coûte, même s'il est gratuit. Il y a des frais que les parents peuvent pas assumer. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu aussi dans tes différentes expériences. Oui, tout à fait. Alors, il y a plein de sortes d'écoles. Il y a des écoles où on rencontre beaucoup plus ce type d'enfants. J'ai pas encore eu l'occasion d'en voir, mais j'entends dans mes études, etc., qu'évidemment, c'est pas évident pour tout le monde, quoi. Et donc, pour moi, c'était super important, puisque j'ai la chance d'être aussi chanteuse, de mobiliser. Ah, c'est ça. On se demandait ce que tu faisais depuis tout à l'heure. Que tu ne comprends pas. Mais c'est super sympa que tu te mobilises. Alors ce soir, le showcase ici sur la place de la Digue. Franchement, c'est noir de monde. Depuis le début de Via for Life, il y a énormément de monde. C'est hyper touchant. Ouais. Merci. Est-ce que sur la place de la Digue, vous êtes en train de nous entendre ou bien il y a autre chose sur la place? Vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez montrer à tous les auditeurs et à tous les téléspectateurs qui vous regardent sur Télésambre et sur Live Center que vous êtes là? Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Alice on the Roof! Ils sont trois, comme vous l'entendez. Ouais. C'est super sympa de venir. Super grande famille, en fait. C'est cousin, ça. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce que tu peux nous faire un petit plaisir, Alice? Oui, ça dépend, c'est quoi. Ouais, c'est fait. Alors, fais gaffe parce que. Non, c'est pas. Non, pas de ça. Est-ce que tu peux nous faire une petite chanson a cappella? Est-ce que c'est possible de nous faire ce petit cadeau-là? D'accord, ouais. D'accord. Alors, on coupe la musique et tu chantes ce que tu veux. Je réfléchis. Le papa pingouin. Ah, ça serait drôle, ça. On se fait le papa pingouin? Ok, si tu 3, 4. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa, le papa, le papa pingouin. Le papa pingouin s'ennuie sur la banquise. Non, ça, ça va pas. Non, mais fais-en une à toi, peut-être. C'est mieux. Qu'est-ce que je vais vous chanter, les amis? Oh, une chanson, la première chanson que j'ai prise. Oh, alors ma chanson de chorale de Noël. Vas-y. Ah ben voilà, parfait. Ça, on est dans l'ambiance du moment. Christmas is coming, the goose is getting fat. Please to put a penny in the old man's hat. Please to put a penny in the old man's hat. Merci, Alice. Applaudissements pour Alice. Les paroles signifient, s'il vous plaît, mettez un peu d'argent dans le chapeau de ce monsieur. Je ne sais donc, pas si ça tombe super bien. Mettez un petit peu d'argent dans la grande cagnotte de Viva for Life. 0800 30 007 pour faire vos dons. Merci, Alice. J'ai encore une question. Ben, pour avoir la même coiffure, on fait comment? Alors, ma grand-mère me coiffe. Oui, mais je veux les mêmes couleurs de cheveux, moi. Oui, c'est elle qui fait tout. Elle a du mal, hein. Elle hésite un peu à chaque fois. Tu es sûr que tu veux faire rose? Mais c'est ma grand-mère. D'accord. Ça te va super bien. Je vais aller chez la grand-mère. Merci, Alice. Alice, qui a été demandée. Oh là, et je pensais que le morceau allait pas partir tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un énorme don. C'est Dominique de Arken. Oui, bah oui. Dominique de Arken qui a donné 100 euros pour écouter Easy Come Easy Go. Wow. C'est parti. Juste avant de partir, tu signes le logo qui est parti aux enchères. À tout à l'heure, Alice. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside, fighting against the tide. I'm sinking like a star. Ezekiel. bien entendre à la radio, mais si vous avez envie de la voir en vrai, Alice on the Roof sera tout à l'heure sur la scène de la place de la Digue à Charleroi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et vous ferez par la même occasion un petit passage par la boîte à dons qui est ici dans le cube. 0830 007. N'hésitez pas aussi pour choisir la musique. Vos dons, ça marche aussi par téléphone. Viva for Life avec nos partenaires. Belfius et Viva for Life, 100% d'engagement pour les enfants. Belfius, banque et assurance. CoraWine.be, ce sont tous les vins de Cora livrés chez vous. Excellente nouvelle pour les connaisseurs. Un choix comme ça, c'est sur CoraWine.be. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Dans un monde qui change, vos sentiments ont encore plus de valeur. Jusqu'au 15 janvier, soutenez les banques alimentaires en déposant vos centimes rouges et jaunes dans les tirelires présentes dans les agences BNP Paribas Fortis ou Fintro. Aidez-nous à offrir un repas aux plus démunis. Plus d'infos sur centimes.bnpparibasfortis.be. Moi, à Noël, j'aime plutôt préparer des plats traditionnels. Alors là, il n'y a pas plus traditionnel que notre fameuse dinde. Un petit. Ah, la dinde, c'est le plat qu'on attend tous, hein, M. Marc. Et la nôtre, alors, elle est tellement tendre, juteuse. En plus, chez nous, pour la dinde, on a aussi une longue tradition de tout petit prix. Mmh. Ça va, petit? Ça va, et vous? Jusqu'à jeudi, chez Carrefour Market, notre délicieuse dinde est à seulement 3,78€ le kilo. Joyeuses fêtes! Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Fête de fin d'année à petit prix, embarquez immédiatement chez Red Market. Le champagne Pierre de Brie est à seulement 9,89€. Profitez en plus de votre coupon promotionnel de 6€ à l'achat de 6 bouteilles. Red Market, les courses à grande vitesse, moins chères et solidaires. Red Market soutient Viva for Life. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. En mal d'idées pour les fêtes? Offrez du bien-être. Une pause soin ou détente à l'espace 22? Voilà un cadeau qui ne s'échange pas. Sauna, hammam, jacuzzi, de nombreux soins en institut ou même chez vous. Espace 22, c'est aussi une parfumerie sur 800 mètres carrés. Découvrez nos chèques cadeaux. Espace 22, c'est tout ce que je veux. Rue de la station à Anse et sur espace22.be. Vivacité et la Une présente le Festival du Cirque Européen fête son 25e anniversaire jusqu'au 3 janvier dans le Parc d'Avrois de Liège. Le plus beau spectacle de cirque traditionnel avec cette année, la Reine des Neiges et le clou du spectacle, Vénus des USA, les cascadeurs à moto dans la sphère d'acier. Info 04 222 28 82. Viva for life. Viva for life. La musique a du cœur. Partageons-la. Et nous avons des invités qui ont du cœur aussi. Alice on the Roof était avec nous il y a quelques minutes. Loïc Noté va venir nous faire un petit coucou dans le cube. Et puis nous avons des partenaires aussi dans Viva for Life qui viennent nous remettre des chèques. Et nous accueillons tout de suite Tina Ernest. Ernestine, il y a un moment au bout de 5 jours dans ce cube. Désolé, on a du mal à prononcer tous les prénoms correctement. Bonjour Tina, prenez un micro qui est juste devant vous. Vous êtes directrice de Red Market. Tout à fait. Et alors vous avez soutenu l'action Viva for Life. Dites-nous ce que vous avez fait. Alors ce qu'on a fait, c'est tout simplement chaque client qui passe à la caisse chez nous, donc on a une chaîne de supermarchés, ouais. Chaque client qui passe à la caisse chez nous reçoit un coupon. Ce coupon donne une réduction de 5 euros sur leurs prochains achats. D'accord. 4 euros bénéficient les clients, 1 euro va directement à Viva for Life. Ça c'est génial. Et au total, du coup, vous arrivez avec un chèque. Ça c'est une chose. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'ici au marché de Charleroi, on a un chalet où on vend des boudins avec l'aide de nos fournisseurs. Génial. Et notre management team. Et tout ça ensemble nous a permis, à ce stade, vous donner un chèque de 8 000 euros. Ah oui, quand même, 8 000 euros. Merci beaucoup, Red Market, pour ce magnifique chèque qu'on est en train de montrer et qu'on va rajouter sur la table avec tous les autres chèques. Merci alors, beaucoup. Et alors, du coup, comme le chalet n'est pas fermé, ça va continuer. Le montant va encore monter. Tout à fait. Donc, en fait, l'action est activée depuis 10 jours chez nous, mais elle reste encore valable 10 jours. Donc, on espère pouvoir doubler ce montant-là à la fin de la période. Eh bien, c'est super gentil. Merci à vous et à toute l'équipe de Red Market de soutenir Viva for Life. Bonne soirée Tina, oui, merci, à bientôt. Le Château de Modave présente son exposition de fin d'année. Le Château fait son cinéma. Dans les différents salons, plus de 25 scènes de films cultes recréées dans les moindres détails. Le Château de Modave, à 10 minutes de Wii, ouvert tous les jours de 11 à 18 heures. Info sur modave-castle.be. Aujourd'hui, autour du cube de verre de Viva for Life. Rendez-vous dès 18h30 pour participer à l'émission télé en direct sur la Une. Et ensuite, le podium de la place de la Digue à Charleroi accueille Loïc Noté, Avon, France Govart, Alice on the Roof. Venez les applaudir et soutenez Viva for Life, la musique a du cœur. Partageons-la en live. En télé sur la Une. Cats and Trees, coach dans The Voice. Nous, ce qu'on recherche, c'est juste quelqu'un qui a des émotions à faire passer et l'aider. Il faut pousser les artistes à s'épanouir. On attend vraiment un échange de cette expérience. The Voice Belgique, l'incroyable pouvoir d'une voix, dès le mardi 5 janvier sur la Une. Kibac, de qui trade banque, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Demandez quand même à votre banque si elle a une meilleure offre et comparez sur kitradebank.be. Ah, je suis super pressée, toujours pas coiffée pour ce soir. Va chez Olivier Dashkin, ils ont un tout nouveau styling bar et c'est sans rendez-vous. Ils te font des tresses, boucles, chignons en moins de 20 minutes et pour 20 euros seulement. Hein? Mon secret pour être bien coiffée, c'est Olivier Dashkin évidemment. Le Spar de Lucie. Waouh Lucie, mais tu t'es mise sur ton 31, tu es magnifique. Oh, merci, c'est juste mes cheveux, tu sais, puis une petite robe de soirée. Il manque juste le repas de fête. Eh ben voilà, ta commande est prête. Ah, oh, merci Anne. Dis donc, tu mets moins de temps à la préparer que moi à maquiller, je crois. Spar Colruyt Group, toujours avantageux. Même pendant les fêtes. Découvrez dans votre Lidl la gamme délicieux. Avec cette semaine, la dinde à 3,79€ le kilo. Pour Noël, préparez une belle dinde farcie à votre famille. Parce qu'à la fin du repas, c'est la bûche glacée que vous allez vous farcir. Et les blagues de tonton Georges. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Les invités s'enchaînent cet après-midi dans le cube de Viva for Life avec celui que beaucoup attendent sur la place de la digue. Voici Loïc Lotet. Salut Loïc, voilà, installe-toi autour de cette table dans ce cube de verre. Tu choisis ta place préférée. Comment ça va Loïc? Ben, ça va très bien. Ben, ça fait plaisir que tu sois là. Demain, finale de Danse avec les Stars, tu prends quand même le temps de venir avec nous. Ça fait super plaisir que tu sois ici ce soir à Charleroi. Alors, il s'en est passé des choses depuis ta victoire de The Voice, dis donc. Ben oui, oui. Oui. Comment on sent quand on a gagné une émission comme ça et puis que paf, tout explose? On se sent bien et en même temps... Enfin, je suis quelqu'un qui se prend pas trop la tête. Enfin, voilà, je profite de chaque chose à fond. Enfin, et ça, vraiment. C'est vrai. C'est pas un discours juste devant les caméras hein, qui se prend pas la tête. Il est vraiment Attendez, cool. Attendez, il était à Paris, il retourne à Paris, vous passez par Charleroi. Pourquoi ça vous tenait à cœur d'être ici dans le studio de Vert? Ben, parce que c'est important déjà. Déjà, c'est ma ville. Enfin, c'est là où je suis née. Et ensuite, c'est une cause importante. Enfin, voilà, je trouve que encore un enfant sur quatre qui est dans la pauvreté, c'est beaucoup et donc enfin voilà je trouvais que c'était une cause importante qu'il fallait défendre, voilà. Exactement. Bah c'est super sympa que tu sois là. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Parce que on sait que les auditeurs de Vivacité et tous ceux qui suivent Viva for Life écoutent beaucoup Rhythm Inside que tu vas chanter d'ailleurs ce soir sur la scène ici. C'est vrai ça. Les auditeurs écoutent Loïc Nonet, mais est-ce que Loïc Nonet écoute les auditeurs, en tout cas. Écoute Vivacité. Mais déjà. Non, mais sérieux. Est-ce que t'as le temps de temps en temps de nous écouter? Mais ok, il y a quoi dans ton iPhone, dans ton iPod? Ben moi j'écoute Sia. Ouais. J'écoute Sam Smith. Ouais. J'écoute du Bruno Mars. Et du Jean-Jacques Goldman, Cabrel et tout ça, non? Grand Jojo, Chantal Goya, les musclés, tout ça. Dorothée. C'est pas trop mon signe, mais après il faut. Ah, il faut s'ouvrir tout, à toutes les musiques, ouais. Loïc. Il y avait une chanson, c'était quoi? C'était la Merguez Party, vous vous souvenez? Oui. La Merguez Party. Tu connais les paroles de la Merguez Party? Ben on va tenter de la chanter ensemble, t'es prêt? Attends, c'est Loïc Noté qui fait la Merguez Party. C'est la Merguez Party. Merguez Party, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Alors maintenant qu'on t'a fait les paroles, tu le fais avec nous, d'accord? Tranquille. Attention, okay. C'est la Merguez. Merguez Party, tant qu'il y a de la braise. C'est pas fini. Loïc Notaire avec nous cet après-midi dans le cube de Via for Life. Chorégraphie de total, mais on n'avait pas le temps. Loïc, ce soir, tu nous fais un cadeau sur la scène. Qu'est-ce qui va se passer? Tu fais quelque chose d'exceptionnel que t'as jamais fait. Je vais chanter Rhythm Inside au piano parce que, enfin voilà, je sais que c'est long. Je sais que, enfin voilà, les gens attendent des nouveaux morceaux. Seulement, voilà, moi, j'ai envie de faire un album correctement et donc on va essayer de le sortir dans. C'est pour le premier semestre 2016, mais enfin voilà, ça prend du temps. Donc je me suis dit, je vais retourner chanter les rap à pap, mais j'ai envie d'apporter quelque chose de nouveau. Donc on va faire une version piano et donc voilà. Wow. Ça, c'est un truc, ça, c'est une chanson qui me donne faim. Roi, papa, le roi. Tu vois le truc que tu mets avec. Ouais. Oh là là là. Sincèrement, mais aujourd'hui, moi, tout. N'importe quel truc, ça passe. Ça, on a envie de manger. Seb, il a un souhait, peut-être qu'il a des choses dans ses poches, fouille-le. Oui, non. T'as des trucs à manger sur toi ? Ceci, on va vérifier. Qu'on ferme la porte, on va fouiller Loïc. Merci Loïc. Avant de partir, tu signes le logo de Charleroi qui a été acheté aux enchères. Et merci beaucoup d'être passé nous voir. Parce qu'on sait que tu as un planning très très chargé en ce moment. Et rendez-vous tout à l'heure, donc dès 18h, sur la scène de la place de la Digue. Salut Loïc. Et demain, donne tout, hein, d'accord ? On compte sur toi. Tout un pays. Il y a quelqu'un qui a donné 40 euros pour écouter ta chanson. On ajoute ça à la cagnotte Via for Life. C'est Jacqueline Descossines. C'est bien, hein, ça rime. Oui, j'aime bien ça. Demain, donne tout, tu représentes tout un pays. Si tu te plantes, t'es vraiment la loose. Oh, je vais l'encourager. Comment tu lui mets la pression, il va stresser à cause de toi. La pression, quoi. Oh. C'est lourd, ça. Voici Rhythm Inside, maintenant dans Via for Life sur Vivacité. Listen to the sound of thunder rolling in the soul down under. Far beneath the skin it rumbles. Step to the step of the drum that rolls inside. Be you enemy or lover, we are put here to the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die, get that rhythm back. Be you enemy or brother, we were put here to discover the heart that beats within each other. We're gonna rap up, up, rap up, up, we gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show for the wicked ways down below? The rhythm inside is telling us we can fly tomorrow on the beautiful wind that blows on a cosmic track. Love the tide, I'm gonna get that rhythm back. We gonna rap up, up, rap up, up, we gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. We're gonna rap up, up, rap up, up. We're gonna rap up, up tonight. And if we die tomorrow, what do we have to show? Gonna get that rhythm back. Viva, viva for life, viva city. We'll be right back.